Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui c'est l'économie qui est à la fête sur Podcast Science, ou plus précisément la microéconomie. Mais quels sont les outils mis en place par les économistes et que mesure-t-on? L'économie s'inscrit-elle dans une démarche scientifique? Eh bien, nous allons le découvrir ce soir. Nous sommes le jeudi 16 janvier et vous êtes sur Podcast Science épisode 158. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, au sommaire de cette émission, le dossier d'Olivier Simard Casanova, le pitch de la semaine prochaine, la quote et un plug. Alors, sont présents ce soir autour de cette table Nico à Paris, de même que Robin, Alan que vous n'entendrez pas trop, voire pas du tout car il lance les jingles de l'émission mais cloué dans son lit par une méchante pneumonie, David que vous n'entendrez pas trop non plus car il est entouré de chercheurs en train de boucler leur publication juste avant la deadline, et Mathieu qui, comme vous l'avez entendu, revient nous rendre visite dans l'émission. Tout à fait. Et je ne reviens pas seul, puisque je suis accompagné d'Olivier Simard Casanova, qui va nous parler d'économie aujourd'hui. Bonsoir. Salut. Je vais peut-être te présenter rapidement. Tu es chercheur au Bureau d'économie théorique appliquée de Strasbourg, c'est ça? C'est ça. Strasbourg et Nancy. D'accord. Et aussi enseignant assistant à l'Université de Strasbourg en économie. Oui, alors je suis doctorant, je tiens à le préciser, doctorant. Je ne suis pas maître de conférence ou quoi que ce soit. Mmh. Alors on s'est rencontrés par l'intermédiaire d'un commentaire que tu avais mis sur un dossier que j'avais fait sur les théories économiques. Bon, tu semblais avoir pas mal de choses à dire, tu avais relevé quelques imprécisions, tu disais pas mal de choses, donc je t'ai proposé de venir faire une émission sur Podcast Science, que tu as accepté bien volontiers. Avec plaisir. Et si j'ai bien compris, ton domaine d'étude se porte... Alors, c'est un peu compliqué. Quand tu m'as présenté ton dossier, j'ai mis un petit moment un peu pour cerner un peu l'histoire. Mais si j'ai bien compris, ton domaine d'étude se porte sur les choix rationnels des agents économiques. Ou dit autrement, c'est comment on tente d'inciter, trouver des incitations qui nous aident à faire des choix raisonnables. C'est un peu ça, non? C'est un peu l'idée, ouais. De toute façon, le dossier de ce soir va vraiment parler de ce sur quoi je travaille. Donc, je pense qu'à la fin du dossier, normalement, cette question de mon domaine de travail devrait être assez claire, je pense. En tout cas, j'espère, si j'ai bien fait mon travail. Bah, parfait. Bah, écoute, voilà, les commandes sont à toi. Tu peux y aller quand tu veux. J'ai intitulé ce dossier « Comment résoudre nos problèmes de société, le point de vue de l'économiste ». Donc, si vous avez allumé votre télévision ces derniers temps, vous n'êtes pas passé loin de la dépression. Crise financière en 2007-2008, crise économique, crise des dettes souveraines dans la zone euro, chômage, crise écologique, perte de confiance en les hommes et femmes politiques, la liste est longue de ce qui ne fonctionne pas très bien dans nos sociétés. Comment faire pour résoudre tous ces problèmes? Par exemple, à la crise écologique, on a répondu par Evelyne Delia nous enjoignant sur TF1 à ne pas laisser couler l'eau de notre robinet sous peine de tuer des ours polaires, par la construction de dizaines de kilomètres de lignes de tramway qui ont plus engorgé le trafic automobile dans les villes que véritablement répondu aux défis écologiques, ou par la généralisation de produits dits verts, mais qui ont parfois plus à voir avec le greenwashing qu'une vraie démarche écologique. Toutefois, que pense l'économiste de tous ces problèmes? Et d'après lui, que faudrait-il faire pour les résoudre? C'est tout l'objet de l'émission de ce soir que de répondre à ces deux questions, alors allons-y gaiement. Donc je vais commencer par une petite citation, donc, qui est un petit peu longue, mais qui est vraiment au cœur du sujet de ce soir. « Ce n'est pas de la bienveillance du boucher, du brasseur ou du boulanger que nous attendons notre dîner, mais plutôt du soin qu'ils apportent à la recherche de leur propre intérêt. Nous ne nous en remettons pas à leur humanité, mais à leur égoïsme. » Donc l'auteur de cette citation est un certain Adam Smith, un philosophe écossais du XVIIIe siècle. Elle est extraite d'un ouvrage qu'on abrège en général, dont on abrège le titre par « La richesse des nations ». Et cet ouvrage est considéré comme l'ouvrage fondateur de la science économique moderne. Ce que dit cette citation est particulièrement intéressant du point de vue de l'économiste. Elle dit que l'intérêt matériel est un puissant vecteur pour l'être humain, bien plus que les considérations de nature morale. Donc, en gros, si je fais une certaine action, ça peut être plus probablement pour des raisons matérielles, parce que je cherche à répondre à mon propre intérêt, plutôt que par bonté d'âme ou ce genre de choses. Donc, il dirait que l'homme est égoïste, en fin de compte. C'est égoïsme dans le sens où il considère son bien-être matériel avant toute autre chose. Donc concrètement, en fait, cette citation nous dit qu'une incitation, c'est en fait d'avoir entre plusieurs alternatives qui sont possibles. Je vais simplement choisir celle qui va maximiser mon intérêt personnel. D'accord ? Donc, est-ce que ça, c'est clair pour tout le monde ? Oui, c'est clair pour moi. D'accord. Oui, ça me paraît très clair. OK. Alors, vous allez me dire que c'est peut-être une vision un peu cynique de l'être humain, et je pense que vous n'aurez pas totalement tort, mais malheureusement, pour ceux qui ont une vision idéalisée de l'être humain, les faits sont têtus. En effet, depuis plus de 200 ans que la science économique existe, un nombre assez gigantesque de preuves ont été apportées que la poursuite de l'intérêt matériel est au cœur de nos décisions. Prenons par exemple le cas du nombre d'enfants par famille. On sait qu'il est élevé dans les pays pauvres, faible dans les pays riches. Pourquoi, à votre avis, d'après vous, pourquoi est-ce qu'on pourrait expliquer que les enfants sont... On a plus d'enfants dans les pays pauvres que dans les pays riches, en moyenne ? J'aurais tendance à dire que dans les pays pauvres, les enfants sont une source de main-d'œuvre bon marché. D'accord, mais en fait, c'est exactement ça. En il y a aussi qui meurent et qu'il faut en faire beaucoup pour qu'il en reste. Enfin, ça, c'est... Alors, il y a aussi, disons, d'enfants qui survivent à un certain âge, qui parviennent à éviter les maladies, etc. Mais effectivement, Mathieu, c'est exactement ça, le fait que dans les pays pauvres, les enfants sont une source de main-d'œuvre. Donc en fait, c'est ce que disait Gary Becker, donc, qui a reçu le prix Nobel d'économie en 92, en particulier pour ce type de travaux. Donc il disait qu'en fait, élever des enfants dans un pays pauvre ne coûte pas cher et permet d'avoir une main-d'œuvre supplémentaire pour travailler. Donc la plupart du temps, c'est dans les champs. Inversement, dans un pays riche, le fait d'élever d'un enfant coûte beaucoup plus cher, en particulier du fait de l'éducation et aussi parce que dans les pays riches, les lois interdisent d'utiliser les enfants au travail avant 16 ans. Donc en gros, et pour parler de manière un peu crue, le taux de rentabilité d'un enfant dans les familles sera bien supérieur dans les pays pauvres que dans les pays riches, et c'est pour cette raison qu'on a donc une différence dans le nombre d'enfants. Enfin, c'est une des raisons éventuellement, enfin, c'est pas forcément la seule, quoi. Disons que, enfin, pour l'économiste, on va dire que c'est la raison principale, en fait. Enfin, en cas, c'est comme non, parce que là, il y avait des gens dans la chatroom qui faisaient remarquer aussi, enfin, il y a plein de choses, il y a des facteurs culturels, il y a... La contraception qui est accessible, pas cher, etc. Il y a, oui, il y a la religion aussi. D'autres choses qui peuvent rentrer en jeu, quoi. Je suis d'accord. Simplement, c'est l'explication, en tout cas, que donne l'économiste, qui n'exclut pas tout ce qui a été dit, hein, effectivement, sur la contraception, sur des choses de nature culturelle, etc. Bon, après, si on voudrait être un peu... si on veut aller un tout petit peu plus loin là-dessus, on pourrait aussi dire que le fait que dans les pays pauvres, la religion, par exemple, soit plus prégnante que dans les pays riches, en fait, c'est aussi une adaptation de la culture de ces pays pauvres au fait que les enfants étant bon marché, la religion va être plus permissive et va permettre de faire plus d'enfants que dans les pays riches, ou la contraception par exemple. Enfin, dans tous les cas, c'est l'explication principale que proposent les économistes, et elle a été testée empiriquement et elle a été plutôt validée. Donc c'est pas que ce, enfin, les différences de nombre d'enfants s'expliquent en partie, alors peut-être pas uniquement, mais en tout cas en partie, par des considérations de nature matérielle telles que celles que je viens d'expliquer. Donc si on continue, si on revient sur les incitations, ce qu'il y a assez d'incroyable avec elles, c'est qu'elles sont absolument partout. Par exemple, on peut se demander pourquoi est-ce que dans une entreprise, un salarié exerce un effort. Eh bien, la réponse que la théorie des incitations va nous dire, c'est parce qu'à la fin du mois, il va toucher un salaire, et c'est pour cette raison qu'il va faire un effort, donc pour faire son travail. Pareil, pourquoi un étudiant entreprend-il des études plutôt que d'aller travailler directement ? La réponse, c'est les incitations. Alors, j'explique, parce qu'il sait que ses études lui donneront un salaire supérieur sur le marché du travail, et donc aussi de meilleures perspectives de carrière. Et en fait, on peut multiplier comme ça les exemples à l'infini sur des cas où la décision des individus est directement due aux incitations. On peut aussi voir les cas où c'est l'absence d'incitation qui pose problème. Par exemple, juste avant la crise financière donc de 2007-2008, un grand nombre de prêteurs aux États-Unis n'ont pas été correctement incités à vérifier que les personnes à qui ils vendaient des prêts étaient bien en capacité à les rembourser. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ces personnes ne pouvaient pas, en fait, n'auraient pas vraiment pu les rembourser, donc ces prêts. Et effectivement, elles n'ont pas pu les rembourser. Alors attendez, je réexplique de manière un peu plus claire. Le fait que les personnes à qui on a fait les prêts n'ont pas pu les rembourser a généré des faillites chez leurs prêteurs. En fait, ces faillites ont contaminé l'intégralité du système financier et ça aboutit à des sauvetages massifs de banques par les États. Par exemple, en France, on a eu Dexia. Enfin, en France et en Belgique, il y a eu Dexia. Aux États-Unis, il y a eu Bear Stearns, enfin, il y en a eu un certain nombre. Et donc, ça a coûté extrêmement cher, en particulier aux contribuables. Un autre exemple où l'absence d'incitation a posé un gros problème, et pose encore d'ailleurs un gros problème, c'est la pollution. En particulier, si on continue à polluer autant l'environnement, ce que va nous dire l'économiste, c'est parce que nous n'avons aucune incitation à ne pas le faire. Donc, en filigrane, si on avait les bonnes incitations, il n'y aurait pas de problème de réchauffement climatique. Ça peut paraître assez spectaculaire de le présenter de cette façon-là, mais les économistes sont assez clairs sur les outils qui permettraient d'éviter le réchauffement climatique. Malheureusement, ils ne sont pas appliqués, mais justement, je vais y venir. Mais dans, juste une question. Oui, oui, oui. Le premier exemple que tu as donné, c'était l'endettement des ménages américains, non ? Qu'a amené à la crise financière. C'était alors, ça ou bien ? Disons, c'est le fait que certains ménages se sont endettés sans qu'ils puissent rembourser les dettes en fait, qu'ils ont contractées. L'incitation, ouais. Si on revient sur ton idée d'incitation, il y avait finalement une incitation au crédit pour ces familles. Alors c'est ça, en fait les familles, elles avaient une incitation au crédit, mais en fait le problème, je pense que effectivement je l'ai un peu mal expliqué, je pense qu'en fait le problème, le défaut de l'incitation, il vient du côté du prêteur, donc de l'institution financière. Elle, normalement son incitation, si l'incitation était correcte, ce qu'elle aurait dû faire, c'est refuser de prêter à ces personnes-là, parce que c'était clair qu'elles n'étaient pas solvables. Mmh. Mais comme il n'y avait pas d'incitation justement à faire cette vérification-là, ou en tout cas à donner suite à la vérification, elles ont quand même prêté et effectivement, les personnes n'ont pas pu rembourser les prêts et les faillites, il y a un effet domino en fait, qui s'est créé. D'accord. Ouais. Donc c'est dans le sens là qu'effectivement on a le défaut d'incitation. Pour l'économiste, lorsque le problème provient d'un défaut dans les incitations, la réponse à apporter est simple. Il suffit simplement donc de corriger ces incitations pour que l'intérêt matériel des agents économiques s'aligne à nouveau sur ce qu'on pourrait appeler l'intérêt général. Je ne vais pas définir ce que j'entends par intérêt général. Mais disons, rapidement, c'est ce qui est bon pour la société dans son ensemble. Donc, dans le cas de l'environnement, il suffirait alors de créer une incitation à ne pas polluer pour résoudre le problème. Donc, c'est ce que je disais un tout petit peu avant. Et ce que je disais aussi un tout petit peu avant, c'est que cela peut effectivement étonner que la solution soit en réalité aussi simple. Et pourtant, ça fait depuis les années 20 que les économistes savent comment résoudre ce problème. Une chose, c'est dire qu'il faut inciter à ne pas polluer, mais ça, c'est un peu général. Après, en pratique... Qu'est-ce que ça voudrait dire, inciter à pas polluer ? Justement, en fait, j'ai les deux outils principaux. Enfin, je vais présenter les deux outils principaux qu'on peut mettre en application, enfin qu'on peut utiliser pour avoir une bonne incitation, enfin pour créer une incitation à ne pas polluer. Donc, le premier outil, en fait, il a été, donc j'ai un exemple qui est assez célèbre. Donc, dans les années 80, aux États-Unis et au Canada, il y a eu une espèce d'épidémie de pluies acides, donc qui ont détruit une partie de l'écosystème. Et ces pluies acides, elles sont en particulier chargées de soufre. Donc, l'idée, ça a été de mettre en place des incitations pour réduire les émissions de soufre dans l'économie. Donc, ce programme s'appelait Acid Rain Programme. En fait, le principe de ce programme était simple et se base donc sur ce que les économistes appellent les marchés de droits à polluer. Donc, je vais expliquer en quoi ça consiste. Donc, si une entreprise souhaite émettre dans l'atmosphère une certaine quantité de soufre, il va lui falloir disposer d'un nombre proportionnel de permis à polluer, d'accord ? Donc, c'est un peu comme des permis de conduire. Simplement, ici, c'est des permis à polluer. Un permis donne droit à une certaine quantité d'émissions dans l'atmosphère. Et en fait, le truc ici, c'est que les permis... il faut les acheter en fait, ils ont un prix. Donc par rapport à la situation d'avant, on polluait énormément parce qu'en fait la pollution était gratuite entre guillemets, c'est-à-dire l'émission de soufre dans l'atmosphère ne coûtait rien. Par contre maintenant avec ce nouveau système, comme ces permis à polluer ont un prix et que le coût est proportionnel à la pollution émise dans l'atmosphère, l'entreprise va payer un prix qui sera proportionnel à sa pollution. Donc ça, c'est le principe du pollueur-payeur. C'est exactement ça, un des deux principes du pollueur-payeur, en fait. Donc ici, les marchés des droits à polluer, la petite subtilité, c'est qu'en fait, les permis peuvent s'échanger sur un marché. Et donc, en l'occurrence, les entreprises qui vont pouvoir transformer leur processus de production pour polluer moins, vont vendre les permis qu'elles obtiennent. Et les entreprises qui, pour des raisons technologiques ou de secteur d'activité, restent de gros pollueurs, elles vont acheter des permis à polluer. Mais dans l'ensemble, les résultats ont été assez probants parce que les émissions de dioxyde de sulfure ont baissé de près de moitié, donc entre 1995 et la fin des années 2000. Les émissions d'oxyde d'azote de plus de 30%, donc pareil, une diminution, et de mercure de près de 20%. Dans le même temps, le nombre de pluies acides a diminué de 65% depuis 1975, donc l'objectif a été atteint. Et donc, parce que bon, évidemment, en tant qu'économiste, la question se pose à un moment donné. Le coût de cette mesure a été compris entre 1 et 2 milliards de dollars par an, soit entre 3 et 6 dollars par an par citoyen américain. Donc, dans l'ensemble, moi, j'aurais tendance à dire que c'est un résultat qui est quand même assez efficace. Ça s'inscrit en fait comme une incitation monétaire, en fait. C'est exactement. Pour l'instant, on est toujours dans les incitations monétaires. Donc, ça, c'est le principe du marché des droits à polluer. Donc, il y a un deuxième principe qu'on appelle la taxe pigouvienne. Alors, pigouvienne, en fait, ça vient du nom de l'économiste qui en a découvert vers le principe, donc Arthur Pigou. Donc à la base, en fait, lui, ce qui l'intéressait, c'était d'essayer de diminuer la pollution à Londres. Donc c'est un principe qui date de 1920. Donc quand je disais que ça fait depuis les années 20 que les économistes connaissent la solution au problème du réchauffement climatique, bon, je caricature un peu, mais c'est pas une caricature qui est si prononcée que ça. Donc la taxe pigouvienne, d'un point de vue, disons, théorique, elle est strictement... Enfin, le résultat de la taxe pigouvienne est strictement équivalent, en fait, au résultat des marchés des droits à polluer, Simplement, on n'utilise pas les mêmes mécanismes. Donc, dans le cadre d'une taxe pigouvienne, au lieu d'avoir des permis de droit à polluer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement taxer les entreprises qui polluent et on va les taxer de manière proportionnelle au volume d'émissions de polluants qu'elles génèrent. Et donc, par exemple, récemment, ces dernières années, on a souvent entendu parler de taxes carbone. Et les taxes carbone sont un exemple de taxes pigouviennes. Pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas trop les taxes pigouviennes, mais plutôt les marchés de droit à polluer? C'est en particulier parce que dans le cas d'une taxe pigouvienne, il faut qu'il y ait une autorité centrale qui puisse savoir combien tout le monde, enfin combien l'entreprise A a pollué, combien Monsieur B a pollué, etc., pour lui appliquer une taxe équivalente à son niveau de pollution. Ce qui est un petit peu lourd et un peu coûteux à gérer, alors que dans le cas des marchés des droits à polluer, on n'a pas besoin d'avoir une autorité centrale. C'est d'ailleurs une des propriétés des marchés. Toute l'information passe au travers du système de prix. Et donc ici, en fait, ce qui joue le rôle de l'autorité centrale, c'est simplement le prix de marché. Donc ils sont... je t'interromps, mais je ne comprends pas pourquoi, parce qu'il ne faut pas que les entreprises puissent quand même truander le système et dire qu'elles polluent moins que ce qu'elles font. Il y a quand même un contrôle à avoir, même dans le cadre du marché. Pour le marché des droits, oui, disons que le contrôle, il sera un peu similaire au type de contrôle que la police fait, par exemple, sur les excès de vitesse. En fait, l'idée, c'est d'avoir une menace crédible de contrôle. Oui, t'es pas obligé de contrôler tout le monde, voilà, tout le temps, d'accord. C'est ça, alors okay, qu'avec une taxe pigouvienne, il faut que tu contrôles tout le monde, en fait. D'accord. Donc, c'est pour ça que c'est moins coûteux. Mm-hmm. Voilà, donc ça, c'est deux outils, enfin deux implémentations possibles qui permettraient de corriger donc des incitations qui sont pas correctement alignées. Le problème, c'est que on n'est pas toujours capable, en fait, de mettre en place des régulations qui corrigent ces incitations pour diverses raisons. Donc là, j'ai deux exemples à vous proposer. Le premier, c'est que le premier concerne le marché des droits à polluer. Cette fois-ci, pas pour le soufre, mais pour le carbone en Europe. Donc, ça a été un échec à cause du lobbyisme des industriels. Donc, c'est ce que les économistes appellent la capture du régulateur. Donc, on a des intérêts privés qui vont faire en sorte qu'en fait la réforme soit dans leur intérêt et pas dans l'intérêt de la société en entier. Et un autre exemple, c'est le fait qu'en France, par exemple, aucun gouvernement n'arrive à mettre en place une taxe carbone. Pour des raisons, là, je pense, qui sont plutôt liées à la pédagogie et aussi au fait qu'en France, il y a un taux de taxation qui est assez élevé. Donc, je pense que pour l'instant, les personnes ne veulent plus entendre de taxes supplémentaires. Mais voilà, c'est deux exemples où on n'arrive pas à mettre en place de correction des incitations. Dans le cadre du marché, il y a quelqu'un qui décide du coup du nombre global de droits à polluer, enfin de quantité à polluer c'est ça, en fait, qui est sur le marché. C'est ça, en anglais on appelle ce type de réforme le cap and trade. Donc tu as un maximum et ensuite à l'intérieur de ce maximum, les entreprises se échangent les droits comme elles librement. Donc il faut une autorité qui détermine combien il y en a et qui peut, à la limite, fixer le truc de plus en plus bas. En fait, aux États-Unis, concrètement, c'est ce qui s'est passé. En fait, le niveau de permis a été fixé à un niveau faible. Et inversement, en Europe, donc je disais que le marché des droits à polluer avait été un échec, sur le carbone, parce que justement, en fait, les industriels ont fait un lobbyisme de malade auprès de la Commission européenne. Ils ont créé tellement de permis à polluer que le coût unitaire du permis, je crois que c'était quelque chose comme 10 euros. D'accord. Donc, c'est que 10 euros la tonne. Enfin, c'est rien du tout. D'accord. Donc, tu payes au lieu de baisser. Donc, pour 10 euros la tonne. Justement, là-dessus, tu parles de plein d'exemples en fait où la métrique entre guillemets pour limiter, c'est les sous. C'est-à-dire, si on n'a pas assez d'argent, on ne va pas avoir le droit de polluer suffisamment. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont utilisées? Je ne sais pas, par exemple, dans le mode complètement caricatural, on pourrait imaginer un truc où pour pouvoir polluer tant, il faut planter tant d'arbres ou des choses comme ça, quoi. Des choses pas avec des métriques qui soient le fric. Il me semble qu'en fait, c'est ce que l'Europe a utilisé pour lutter elle aussi contre les pluies acides. J'en suis pas sûr, mais il me semble. Il y a ce qu'on appelle simplement même des normes de pollution. C'est-à-dire qu'en fait, on dit à l'entreprise, vous pouvez polluer tel volume par année, donc ça lui coûte rien, etc. Mais disons qu'elle a une amende si elle dépasse le niveau, une amende qui soit dissuasive pour le coup, si elle dépasse le volume qui lui a été autorisé. Donc ça, dans le cadre de l'Union européenne, ça avait fonctionné Je te coupe parce que c'est un peu différent. Ce que je veux dire, c'est garder la notion. Parce que ce qui marche en fait dans ce que tu expliques, entre autres, c'est le fait qu'il y a un marché, c'est-à-dire que les gens puissent librement s'échanger les choses. Et quand tu mets une amende, tu enlèves complètement la notion de marché. Moi, je parlais de laisser la notion de marché, mais utiliser une autre monnaie que l'argent en fait. Alors, utiliser une autre monnaie que l'argent, en fait, je sais pas si ça va répondre à ta question, mais pour les économistes, en fait, la monnaie, c'est pas. Ils considèrent pas ça comme l'argent, ils considèrent ça comme un bien comme un autre. Ouais, si ça répond à ma question, d'accord. Donc, du coup, oui, ça peut être autre chose dans vos théories, ça ne change pas grand-chose, quoi. En fait, si tu veux, l'intérêt de la monnaie à la base, c'est qu'avant la monnaie, il y avait le troc. Enfin, c'est comme ça, en tout cas, qu'on explique l'émergence de la monnaie. C'est que, donc, il fallait troquer. Donc, il fallait, par exemple, si moi, je vendais des poules et qu'en échange, je veux des oranges, par exemple. Enfin, c'est un exemple un peu bébête, mais bon, voilà. Il faut que je trouve quelqu'un qui me vende à moi des oranges et qui, en même temps, accepte que je lui échange les oranges contre des poules, contre des poulets, en fait. Et donc, si tu veux, le fait d'avoir de la monnaie, enfin la monnaie, l'argent, ce qu'on appelle l'argent, mais en économie, on appelle ça la monnaie, le fait d'avoir la monnaie, ça permet en fait de simplifier l'échange parce que c'est un bien commun sur lequel tout le monde est d'accord et qui va servir pour simplifier en fait le processus d'échange. Donc après, on pourrait effectivement imaginer des situations, enfin des régulations où il y aurait voilà, d'autres types d'échanges, mais je pense que ce serait compliqué et ce ne serait pas aussi efficace que d'avoir la monnaie comme numéraire en fait. Donc voilà, donc là j'avais pris deux exemples où on n'avait pas réussi à implémenter des régulations qui utilisent des incitations, mais à chaque fois c'était lié à l'environnement. Bon, c'est pas parce qu'on n'arrive pas à mettre en place des régulations qu'on doit rester les bras croisés. Voilà, je pense que les scientifiques qui travaillent sur l'environnement, etc., sont suffisamment clairs sur le fait qu'il y a une urgence climatique et il faut trouver des mesures efficaces pour lutter contre le réchauffement climatique et la destruction même partielle de l'environnement. Et en fait, enfin bon, après ça c'est une interprétation un peu personnelle, mais je pense que c'est quand même, je pense que c'est intéressant à mentionner. Dans certains cas, les incitations donc ne fonctionnent pas, mais il peut exister des cas où on a un autre type d'incitation, donc qu'on appelle les incitations non monétaires, qui peuvent en fait prendre le relais des incitations monétaires et donc servir de régulation. Pour illustrer en fait pour donner une petite idée de la coexistence qui n'est pas toujours pacifique entre les incitations monétaires et les incitations non monétaires, en 2000, deux économistes israéliens ont publié un article qui narre une expérience réalisée dans des crèches à Jérusalem. Donc en fait, ces crèches avaient un problème, c'est qu'elles étaient souvent les parents venaient en retard chercher les enfants et donc il fallait faire rester les personnes employées à la crèche plus longtemps, donc ça faisait des coûts, etc. Les crèches se sont posées la question de quoi faire pour inciter les parents à venir chercher leurs enfants à l'heure. En fait, les économistes sont allés voir les crèches et leur ont dit « Écoutez, nous, on aimerait bien faire une petite expérience. » Dans un certain nombre de crèches, ils ont mis en place des pénalités pour les parents qui venaient chercher leurs enfants en retard. Donc, concrètement, si le parent venait chercher son enfant avec plus de 5 minutes de retard, à la fin du mois, il devait payer une pénalité, et ce, pour chaque jour où il était venu en retard. Donc, si vous avez suivi ce que j'ai dit jusqu'à présent sur les incitations monétaires, vous allez vous dire, voilà, les parents vont subir un coût à venir chercher leurs enfants en retard, donc ils vont venir à l'heure. Dans les faits, ce qui s'est passé, c'est totalement l'inverse, en fait. Le nombre de retards a explosé, je crois qu'on avait, à la base, on avait 5% des parents qui venaient en retard. Et une fois qu'on a mis en place les pénalités, la proportion est passée à 20%, voire même juste, 20-30%. Enfin, ça a vraiment été une grosse explosion. Mais l'école, la crèche est devenue riche. Malheureusement non, en plus, parce que la pénalité n'était pas très élevée. Je crois que c'était l'équivalent de 5 euros par jour, quelque chose comme ça, peut-être même encore moins. D'ailleurs, c'est une des critiques qu'on fait, en fait, un peu à l'expérience naturelle, cette expérience qu'ils ont tentée, en leur disant, voilà, en fait, votre pénalité était peut-être pas suffisamment dissuasive pour justement avoir un vrai effet sur les parents. C'était un peu ce que je faisais remarquer, c'est que c'est pas un système vertueux, c'est-à-dire que si tu payes la pénalité, tu continues à faire le truc qui pose problème, c'est-à-dire à aller chercher ton gosse en retard ou à polluer, et tu résous aucun problème, tu donnes juste de l'argent en échange. C'est là où je parlais de monnaies différentes, c'est-à-dire que si la pénalité c'est de planter des arbres, au moins tu pollues, mais à côté de ça, tu remets des arbres pour la forêt ou je ne sais quoi, là où il y en a besoin. Donc c'est un système vertueux parce que dans les deux côtés, tu y gagnes. Disons que, pour rebondir sur ton argument, sur ce que tu viens de mettre en avant, les systèmes de marché classiques comme la régulation du soufre aux États-Unis, on voit que ça fait vraiment baisser, ça a vraiment un effet sur le niveau de pollution. Et en général, peut-être pas en général, mais les économistes ici s'attendaient vraiment à ce que la présence de pénalités, disons, même si comme elle était faible, on peut dire c'est trop faible, c'est pas assez dissuasif, mais au moins ça n'aurait rien dû changer au comportement des parents. Or là, en fait, on a même eu un effet contre-productif. Et au moment où l'article a été publié, il y avait rien dans la théorie économique qui permettait d'expliquer pourquoi on avait cette explosion, alors qu'au pire, on aurait dû avoir une stagnation du nombre de retards. Et donc là, scientifiquement, ça a été une vraie Enfin, ça a été une vraie question, et même encore aujourd'hui, on ne sait pas vraiment expliquer pourquoi, dans ce cas présent, on a eu ça. On n'a pas tenté d'essayer d'augmenter le montant de la pénalité pour voir jusqu'où ce comportement, jusqu'à quel niveau il pouvait durer. Alors, ça s'est peut-être fait, j'avoue que Bah, c'est vrai, si c'est trop bas, si c'est 2-3 euros, peut-être que bon, pour les parents, c'est pas une charge trop élevée. Même au-delà de ça, c'est marrant ce que vous n'arriviez pas à expliquer, parce que quand il y a une règle qui est... On ne savait pas l'expliquer à l'époque. Parce que quand il y a une règle qui est votre enfant doit sortir à telle heure, bon, ben c'est une règle, donc tu arrives en retard parce que t'es mal organisé, mais tu te dis merde, je respecte pas la règle. Quand il y a de l'argent à payer, tu te dis bon, ben j'ai payé pour, donc je vais chercher à l'heure que je veux, quoi. C'est ça. Alors, ça devient un service. C'est exactement ça, c'est une des deux. Enfin, en fait, justement, il y a deux explications qui ont été proposées par les auteurs. Donc la première, c'est exactement celle que tu viens de décrire, le fait que ça transforme, enfin, ça devient un service, donc tu payes ton service, tout simplement. Donc ça, c'est une première explication possible. En fait, il y en a une deuxième qui est plus intéressante dans le cadre du dossier et de ce sur quoi je travaille dans ma thèse. C'est, auparavant, il y avait une règle qu'on pouvait respecter ou pas, mais en fait, c'était plus subtil que ça parce qu'on pouvait imaginer que les parents venaient à l'heure parce qu'ils craignaient d'être jugés comme étant de mauvais parents, entre guillemets, par le personnel de la crèche en venant en retard. Tu vois, par exemple, le personnel qui lui dit « Bon, écoutez, aujourd'hui, vous êtes venu 5 minutes en retard. » Donc, il y a une espèce de honte au fait d'arriver en retard vis-à-vis du personnel de la crèche. Et en fait, à partir du moment où tu mets en place une incitation monétaire avec cette pénalité, en fait, ça pourrait faire disparaître ce sentiment de honte et le remplacer par le côté service dont on discutait à l'instant. Et ça, en fait, c'est quelque chose qu'on n'attendait pas du tout. Au niveau théorique, c'était assez inattendu qu'une incitation non monétaire, donc la honte, puisse remplacer une incitation monétaire. Et là, c'est d'autant plus spectaculaire que si c'est effectivement ce qui s'est passé, en fait, l'incitation non monétaire s'avérait beaucoup plus efficace que l'incitation monétaire, au moins dans le contexte du fait que l'incitation monétaire était quand même assez peu dissuasive. Ils ont essayé de pousser le truc en donnant honte aux parents qui arrivaient en retard. Plus t'arrivais en retard, plus on te mettait la honte. Alors en fait, non, ce qu'ils ont fait, c'était d'arrêter la pénalité. Et là où c'est assez intéressant, c'est qu'en fait, dans les crèches où cette pénalité a été supprimée, les parents ont continué à venir en retard dans les mêmes proportions qu'au moment où il y avait la pénalité. Donc c'est pour ça qu'on a tendance plutôt à penser que c'est une histoire d'incitation non monétaire et de honte plutôt que de considération, plutôt que le côté l'explication par le fait que ce soit devenu un service en fait. Mais bon, après c'est une seule expérience, donc dans l'absolu c'est difficile d'en inférer des choses sur le comportement humain en général. Mais simplement, je voulais l'utiliser comme introduction aux incitations non monétaires parce que je trouve que c'est quand même assez frappant comme exemple d'une situation où les incitations monétaires et non monétaires en fait, n'ont pas eu du tout les mêmes effets sur le comportement des agents et donc la régulation, si on l'applique avec un type d'outil ou avec l'autre, en fait, elle aura des résultats complètement différents. Et bon, l'économiste, lui, ce qui l'intéresse à la base, c'est d'avoir des régulations qui soient efficaces, donc qui permettent de vraiment résoudre les problèmes auxquels la société est confrontée. Hein. Voilà, donc, sur cette histoire de crèche israélienne. Maintenant, je pense que ça peut être intéressant de définir de manière plus précise et plus exacte ce qu'on appelle, ce que j'appelle en tout cas une incitation non monétaire, mais ce qu'on appelle dans la littérature économique une incitation non monétaire. Donc, dans la définition d'incitation que j'ai donnée un peu avant, j'ai parlé d'intérêt personnel. Hein, je disais qu'une incitation, c'est entre plusieurs alternatives, on va choisir celle qui maximise notre intérêt personnel. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que jusqu'au début des années 2000, les économistes assimilaient intérêt personnel avec intérêt matériel. Alors, les sociologues, les psychologues, ils disaient « Oh, vous faites... c'est caricatural, vous êtes dans votre tour d'ivoire, l'individu ne se limite pas à l'aspect matériel, enfin, l'aspect financier, monétaire, etc. » Bon, les économistes étaient conscients de ça, mais pour eux, enfin, ils se défendaient en disant que l'intérêt matériel, c'était finalement une bonne approximation de l'intérêt tout court et que implicitement dans ce qui était matériel, on avait aussi une partie de non-matériel, donc... des considérations de honte, un peu comme l'histoire de la crèche, etc. Depuis le début des années 80 jusqu'à ce moment-là, dans les années 2000, on a une espèce d'accumulation de découvertes, enfin de preuves, qui montrent qu'en fait, c'est pas un si bon proxy, enfin c'est pas une si bonne approximation que ça, que finalement l'intérêt personnel de l'agent, ok, il y a une dimension matérielle, mais il y a aussi une dimension non matérielle qui peut avoir une vraie influence sur la décision que va prendre l'agent en fait au moment de décider. Donc des exemples de considérations, des exemples d'intérêts non matériels, c'est par exemple si j'ai un goût pour la tâche en elle-même, et par exemple le fait que je participe à ce podcast ce soir, c'en est un exemple. Je participe à ce podcast, pardon, c'est un peu difficile à prononcer, non pas parce que je suis payé à la fin, mais simplement parce que j'aime discuter d'économie, et donc je le fais pour la tâche en elle-même. Un autre exemple d'intérêt non matériel, c'est la crainte du jugement des autres. Donc c'est l'explication qu'avaient avancé les deux économistes pour expliquer l'histoire de la crèche en Israël. Mais si je l'applique aussi à mon cas, je sais que certains collègues voient la vulgarisation scientifique comme une perte de temps. Et si je cède, si j'ai une crainte d'être mal jugé par ces collègues, j'aurais pu dire, bah non, finalement, je fais pas ce podcast. Enfin, je fais pas ce dossier. L'altruisme peut être une autre explication, enfin, un autre exemple d'intérêt non matériel. Donc, dans mon cas, ce serait le fait de faire ce dossier parce que j'ai une bonté d'âme infinie et que je veux partager mes connaissances avec le monde entier sans rien attendre en retour. On a aussi des explications de nature plus sociologique. Par exemple, mon souhait de devenir un membre à part entière de l'équipe de Podcast Science, et donc je fais le podcast pour cette raison-là. À chaque fois, je ne le fais pas pour des raisons parce que j'ai un chèque à la fin, mais parce qu'il y a bien des raisons non monétaires qui me poussent à le faire. Et donc voilà, je pourrais continuer les exemples comme ça, ad vitam aeternam. Mais bon, simplement pour voilà, donner une idée de ce qu'on entend par incitation non monétaire. Donc ici, pour avoir donner une définition quand même un peu plus rigoureuse, un peu plus large, donc une incitation non monétaire, c'est lorsque donc j'ai mes différentes alternatives, je vais choisir celle qui va me correspondre le plus, qui va le mieux répondre à mon intérêt matériel et non matériel. D'accord ? Donc mon estime de soi, ma volonté d'appartenir à un groupe, etc. etc. D'accord ? Et donc ça, c'est vraiment nouveau chez les économistes. Hein. Là, je pensais à une chose. Je me disais qu'à quelque part, peut-être les incitations monétaires sont plus généralement applicables parce que bon, peut-être une plus grande majorité des gens ont un intérêt à gagner de l'argent pour réaliser une tâche. Par contre, une incitation non monétaire, ça peut beaucoup plus varier entre les personnes. Peut-être, toi, tu as dit précisément que peut-être qu'une personne, elle a intérêt à faire une tâche parce qu'elle aime ça, c'est son boulot, elle aime ça. Elle pourra le faire sans rémunération, mais peut-être qu'une autre personne, ça ne l'intéresse pas du tout. Donc là, tu vois ce que je veux dire, c'est qu'une incitation non monétaire est plus différenciée qu'une incitation monétaire, en fait. Tout à fait. Et je pense qu'en fait, je pense que c'est la raison qui explique pourquoi les économistes se sont historiquement d'abord intéressés aux incitations monétaires plutôt que les incitations non monétaires. C'est exactement pour ça. Bon, je ne vais pas trop critiquer parce que c'est quand même ce sur quoi je bosse, donc voilà, mais une des limites quand même, en tant que chercheur des incitations non monétaires, c'est qu'en fait, elles sont extrêmement variées. C'est un peu les différents exemples que j'ai pris le montrent, et donc ce qui fait qu'effectivement, les modèles, quand on travaille sur les modèles avec des incitations non monétaires, on est tout de suite sur des considérations qui sont quand même beaucoup plus spécifiques que des incitations non monétaires. Donc c'est, disons, du point de vue scientifique, ça peut être une des raisons je pense qu'on progressera plus lentement sur les incitations non monétaires que sur les incitations monétaires. Bon, après, il y a pas des modèles sortant de la théorie des jeux qui donnent des choses là-dedans. Alors si, moi je travaille sur des modèles de ce type en fait, de théorie des jeux, parce que, disons, à la base les modèles en économie ils sont indépendants de la théorie des jeux. C'est simplement des programmes de maximisation sous contrainte. S'il y a des mathématiciens, des matheux un peu dans. Pardon, c'est vrai que j'aurais pas dû poser la question. Il faudrait faire une émission sur la théorie des jeux, c'est tout. Mais disons que la théorie des jeux, bon, aujourd'hui, c'est devenu un standard en économie. Et donc, il y a un sous-ensemble, on va dire, de la théorie des jeux en économie qu'on appelle la théorie des contrats, qui modélise vraiment de manière explicite ces histoires d'incitation monétaire. Et moi, concrètement, ce sur quoi je travaille, c'est de prendre un de ces modèles-là. Et d'essayer d'ajouter dedans un paramètre non monétaire et de voir comment les deux paramètres, donc le paramètre monétaire et le paramètre non monétaire, interagissent au moment où l'agent doit prendre sa décision, en fait. Mais c'est effectivement de la théorie des jeux. Depuis, en gros, le début des années 2000, où on a commencé à voir un peu les limites des incitations monétaires, on a commencé, les économistes, on a commencé donc à intégrer les incitations non monétaires. Pourquoi ? Parce que l'enjeu, finalement, est quand même assez important. Donc, même si c'est qu'un seul exemple, le cas des crèches en Israël montre que dans certaines situations, alors qui effectivement sont quand même assez spécifiques, on peut se retrouver avec des incitations monétaires qui ne sont pas du tout efficaces. Un autre exemple auquel on peut penser, c'est dans le cadre de l'éducation. Que ce soit l'éducation des parents, parents-enfants, ou de l'éducation au sens scolaire, Si moi, je suis un enseignant et que je veux que mes étudiants travaillent, ce sera probablement plus efficace d'essayer de trouver des incitations non monétaires pour les faire travailler que de leur faire un chèque à la fin du mois s'ils ont bien eu leurs notes, etc. Enfin, parce que le problème qui peut se poser dans certains cas avec les incitations monétaires, c'est qu'on peut avoir des comportements qui vont essayer de toucher la somme de l'incitation, mais pas par le biais par lequel l'incitation est censée être obtenue, en fait. Je ne sais pas si je suis clair. Tu peux répéter. Par exemple, si je reprends mon exemple avec les étudiants, je dis, voilà, si vous avez 18, je vous donne 20 euros, si vous avez 16, je vous donne 16 euros, enfin 18 euros, si vous avez plus de 18 de moyenne, je vous donne 18 euros, etc. Mm-hmm. Ce qui peut se passer, en fait, c'est que les étudiants vont développer des stratégies, enfin peuvent développer des stratégies pour augmenter artificiellement leurs notes, en fait. Alors qu'à la base, l'idée, ce serait qu'ils aient des bonnes notes pour essayer de leur faire vraiment bien comprendre. En trichant, par exemple. Voilà, en trichant, concrètement, ce serait en trichant ou ce genre de choses. Donc, ça voudrait dire que l'enseignant lui-même, bon là, on est un peu dans un modèle de théorie des jeux, mais parce que l'enseignant lui-même va anticiper le fait qu'il puisse y avoir ces comportements de triche, donc il va devoir mettre en place des contrôles, enfin voilà, qui risquent d'être lourds, etc. Donc, peut-être plutôt que l'incitation, au lieu d'inciter à une bonne note, faudrait inciter à apprendre, j'ai envie de dire, mais bon, c'est aussi difficile à définir. Mais ben, voilà, le problème après, c'est qu'il faut quelque chose qui soit mesurable et qui soit, enfin, c'est un peu le problème en fait des incitations. Enfin, c'est aussi un des problèmes des incitations monétaires, c'est que si on dit voilà, vous avez tel niveau, si vous fournissez tel niveau d'effort, par exemple, on imagine un salarié dans une firme, on lui dit voilà, tu fais tel niveau d'effort et je te paye tant, donc une fonction, voilà, on va dire linéaire du niveau d'effort. Le problème qui va se poser, c'est que le niveau d'effort, il n'est pas observable du point de vue de la firme. Parce que le manager, il a, je ne sais pas, 30 personnes il est responsable de 30 personnes, il ne peut pas être derrière tout le monde à vérifier le niveau d'effort, etc. Et puis, il peut y avoir un paramètre aléatoire aussi qui joue. Si la personne est malade, bon, bah, elle va devoir subir une diminution de son salaire, alors qu'au final, elle y est pour rien. Donc, il y a des problèmes d'observabilité qui peuvent empêcher la mise en application des incitations monétaires. Enfin, dans le modèle sur lequel je suis en train de travailler en ce moment avec mon directeur de thèse, c'est exactement ça qui, c'est ce problème d'observabilité entre guillemets qui va sauter avec l'utilisation des incitations non monétaires. En fait, on n'a plus besoin d'observer l'effort de l'agent, de l'agent économique, pour lui donner la bonne somme, en fait. Donc c'est un cas où l'usage des incitations non monétaires est vraiment intéressant, permet vraiment de compléter une lacune de l'incitation monétaire. Et donc si on reprend aussi l'exemple de la lutte contre la pollution, l'incitation non monétaire peut permettre d'attendre, ça peut être une régulation en attendant de mettre en place des incitations monétaires. Parce que bon, après, on peut être pessimiste ou optimiste là-dessus, mais moi je pense que les régulations type marché des droits à polluer ou taxe carbone, au niveau mondial, au niveau national, c'est pas prêt d'arriver. Mais c'est pas pour autant qu'il faut pas faire d'efforts. Donc il faut faire des efforts, il faut trouver des moyens de réguler. Et je pense que les incitations non monétaires vont jouer un rôle important de substitution aux incitations monétaires qu'on n'arrive pas à mettre en place. Et donc justement, j'ai un petit exemple qui est aussi issu d'un papier, d'une expérience aux États-Unis. Donc c'est une entreprise qui s'appelle O-Power. Donc elle a un panel. Donc en fait, cette entreprise a réuni un panel de 600 000 foyers. L'objectif, c'était de diminuer la consommation électrique. Donc l'incitation monétaire, si on veut diminuer la consommation électrique, c'est d'augmenter le prix de l'électricité. Ici, tout ce qui s'est passé à niveau de prix constant. Donc il n'y a pas eu d'augmentation des prix. On n'a pas du tout utilisé l'incitation monétaire. Par contre, ce qu'ils ont fait, c'est que chaque mois, ils ont envoyé en plus de la facture. Donc l'électricien a envoyé la facture d'électricité et la société, la O-Power, envoyait un deuxième courrier dans lequel elle expliquait pour chaque ménage, elle disait, voilà, vos voisins les plus efficaces en termes de consommation électrique consomment tant, tous vos voisins consomment tant et vous, par rapport à ces voisins, vous consommez tant. Et donc, en fait, on était capable de... Ce qui rend capable de voir si on est au-dessus, en dessous des voisins les plus efficaces, et donc en fait de comparer sa propre consommation électrique à la consommation des voisins. Et on a ajouté un deuxième élément. Donc on avait cette information sur la consommation relative par rapport aux voisins, et à côté on avait une échelle avec trois niveaux donc un niveau great, un niveau good et un niveau below average. Et à côté de chaque niveau, donc à côté du niveau great, great pardon, on avait deux smileys qui sourient. À côté du niveau good, on a un smiley qui sourit et below average, on a rien. Donc ici, l'expérience a simplement consisté à envoyer à ces 600 000 ménages ce papier tous les mois pendant, alors je crois que c'était 2 ans. Et ici aussi, en fait, il s'avère qu'on a des résultats assez étonnants parce que simplement avec ce petit bout de papier, donc la consommation électrique de ces 600 000 ménages a diminué donc en moyenne de 2%. Alors on peut se dire 2%, c'est pas grand-chose. Si on est dans une... Oui. Juste une question, quand tu dis à diminuer de 2%, et ça m'avait moins choqué dans le cas de la crèche, mais là ça me choque complètement, il y a un groupe témoin. Alors, il me semble qu'il y a un groupe témoin. J'aurais peut-être dû vérifier ce point, effectivement, mais il me semble qu'il y a un groupe témoin. Mais en général, il y a des groupes témoins, donc c'est, tu compares, on est sûr que ça vient vraiment de cette incitation-là, quoi. Je pense qu'on en est sûr. Et même sans groupe témoin, on a des outils statistiques qui permettent d'identifier l'origine de la baisse, en fait. Est-ce que la baisse est liée à, je sais pas, l'équipement de meilleure technologie qui serait moins... Ben oui, mais enfin, si dans ton modèle statistique, il n'y a pas... C'est sûr, on en avait parlé dans les modèles. Hein, si dans ton modèle statistique, il n'y a pas la bonne hypothèse, il restera faux, quoi. C'est-à-dire, si l'influence de la baisse, c'est plutôt une politique qui a été de communication par le gouvernement qui a été faite, qui a été vachement suivie, ben, disons qu'en fait, tu sais pas, quoi. Dans ton modèle statistique, si tu veux. Enfin, après là, je ne sais pas si c'est de l'économétrie ou si c'est des statistiques classiques, parce que on utilise plutôt l'économétrie en économie justement pour répondre à ce genre de questions. Et il me semble que c'est pas tout à fait. Enfin, c'est des outils statistiques qui sont assez spécifiques aux économistes. Donc, si je dis des trucs qui paraissent un peu bizarres et tout, enfin, dis-le-moi. Mais du moins dans la façon dont moi je le vois, en fait, on a une équation de régression, d'accord. Donc, avec un terme. Qui est le terme, on va dire, relatif à la réception du bout de papier. En fait, ce que ça va prendre, ce terme va prendre la proportion de la diminution de la facture d'électricité qui sera liée à l'envoi de ce bout de papier. Et il y aura ensuite un terme d'erreur qui va prendre tout le reste, en fait. Et donc, si on a des régulations au niveau gouvernemental, etc., tout va partir dans le terme d'erreur. Donc, bon, désolé pour le gros mot, mais le terme qui sera lié à l'envoi du bout de papier sera pas significatif d'un point de vue statistique, en fait. Donc, tu vois, même sans groupe de contrôle, on peut quand même réussir avoir à identifier... Une idée. Voilà. Alors, c'est plus une idée que vraiment... Parce que parfois, okay. c'est, l'économétrie n'est pas toujours simple à interpréter. Non, bien sûr, mais comme là, ça paraissait simple, c'est pour ça que je posais la question. Mais après, comme dit, c'est possible qu'il y ait un groupe témoin, j'ai juste regardé vite fait, en fait, mais c'est, je pourrais vérifier ensuite, peut-être le préciser dans le dossier. Pas de problème, continue. Donc moi, je disais, voilà, 2% de diminution en moyenne, ça peut sembler pas grand-chose, mais moi, je pense que si, quand même. D'abord, parce qu'on est dans on est quand même dans une dynamique d'augmentation des consommations électriques. Donc déjà, ne serait-ce que de parvenir à inverser la tendance, c'est quand même déjà en soi un résultat intéressant. Et surtout, c'est intéressant parce que si on avait voulu atteindre cette diminution de consommation de 2% en utilisant des incitations monétaires, il aurait fallu augmenter le prix de l'électricité de 11 à 20%. Donc là, pour le coup, c'est pas du tout négligeable. En termes de coût, en fait, cette incitation non monétaire, donc d'envoyer ces papiers, ces documents, est quasiment nulle. Alors que si on avait augmenté le coût de l'électricité de 11 à 20%, on aurait augmenté les prix dans l'économie. Enfin, ça aurait eu un vrai coût donc, au niveau de l'économie tout entière, en fait. En tout cas, beaucoup plus important qu'avec cette simple régulation. Donc, c'est aussi un exemple qui montre que les incitations non monétaires peuvent être beaucoup plus puissantes que les incitations monétaires. Et ça se traduit d'un point de vue économique par le fait qu'elles sont beaucoup moins coûteuses à mettre en place et à subir, entre guillemets, par les agents économiques. D'autant plus ici que la régulation non monétaire, elle est intéressante économiquement pour les agents, puisqu'en diminuant leur consommation à prix électrique constant, ça diminue leur facture d'électricité. Donc, ce qui une bonne chose aussi pour eux, quoi. Donc la semaine dernière, en fait, dans le petit speech de présentation que j'avais fait, je disais un peu sous forme d'une boutade, je me posais la question de savoir si on pouvait résoudre le problème du réchauffement climatique en utilisant notre goût pour le conformisme social. Et donc voilà, comme le montre l'exemple de Power, grâce aux incitations non monétaires, on sait que c'est une possibilité qui n'est pas à exclure. Pour vraiment conclure sur cette question des incitations monétaires et des incitations non monétaires, donc du point de vue de l'économiste, il reste encore beaucoup de choses en fait à étudier pour comprendre comment elles interagissent, Est-ce qu'elles se substituent? Est-ce qu'elles sont complémentaires? Donc ça, c'est une question qui est pas vraiment encore tranchée. Dans quel cas on va préférer l'une, on va préférer l'autre? Mais dans tous les cas, je pense que pour l'économie et, bon, in fine, pour la société en général, je pense que c'est quand même une bonne chose que les économistes aient intégré dans leur modèle ces incitations non monétaires, parce que ça a effectivement permis à la science économique d'être encore plus robuste que ce qu'elle est déjà. Moi, je suis économiste par foi, on va dire, en les capacités de la science économique. Et donc voilà, quand il y a des petites évolutions du paradigme qui permettent de solidifier l'existant en le complétant et en l'étendant, bon, évidemment, je trouve que c'est une bonne chose pour la discipline. Et en particulier, ce qui est intéressant, je trouve, dans la façon dont les économistes ont intégré les incitations non monétaires dans leur paradigme, c'est qu'ils l'ont fait sans se renier, en fait. Parce que souvent, enfin régulièrement, c'est peut-être moins vrai aujourd'hui encore que, mais souvent, on entend des psychologues et surtout des sociologues nous dire, voilà, vous les économistes, vous avez, voilà, vous supposez que les agents sont uniquement mus par leur intérêt matériel, ce qui est un peu irréaliste. En particulier, il y a le terme d'homo economicus, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui l'ont déjà entendu, mais qui est une espèce de caricature de l'individu qui serait hyper égoïste, qui pense vraiment que à son intérêt matériel et tout le reste, il s'en fout. Bon, voilà, je pense que cette critique-là est beaucoup moins vraie aujourd'hui, justement parce que les économistes ont pris en compte les incitations monétaires non monétaires, dans leur modèle, et je pense que c'est quelque chose, enfin, à mesure que le temps va passer, enfin, moi, la tendance que je vois, c'est vraiment que ça va se diffuser à tous les champs de la science économique. Il y a un côté assez étonnant que ces économistes qui passent leur temps à travailler avec des politiques ne se rendent pas compte qu'il existe des incitations non monétaires, quoi, parce que les politiques, dans le genre, je suis tout à fait d'accord. Ils sont plus incités par le pouvoir que par l'argent, quoi. Je suis assez d'accord, mais après, pour défendre un peu les économistes, comme dit eux à l'époque, enfin, avant qu'il y ait cette vraiment prise de conscience que les incitations non monétaires avaient un rôle important à jouer, eux, ils voyaient vraiment les incitations monétaires comme une approximation de toutes les incitations, en fait. Donc, ils avaient quand même conscience qu'il y avait d'autres types d'incitations qui existaient, mais ils se disaient bien que, bon, au final, les incitations monétaires, ça suffit pour comprendre tout ce qui se passe. Et là, clairement, la réponse est non, en fait. Donc, je trouve que c'est une bonne chose qu'on ait réussi à faire cette remise en question, même si ça n'a pas toujours été simple, parce que voilà, ça quand même, enfin, il a fallu quand même 20 à 30 ans hein, pour que ça devienne vraiment admis dans la discipline. Mais maintenant, c'est fait, quoi. Donc, je pense que là, pour le coup, c'est quand même une bonne chose. Ça paraît rassurant. Mais de même que le fait que les gens ne sont pas spécialement rationnels dans leurs choix doit aussi rentrer dans d'une manière ou d'une autre dans les raisonnements, quoi. Alors, en fait, là, la subtilité, elle vient de ce qu'on entend par rationnel. Oui. En fait, disons que les économistes, ils se protègent un peu et, en disant, nous, notre définition de la rationalité, c'est que les gens répondent aux incitations. C'est de dire, en gros, ils vont vers ce qui est bon pour eux, en fait, ce qui répond à leur intérêt personnel. Donc après, parce que parfois, on entend aussi rationalité dans le sens, on va prendre des décisions qui sont logiques, entre guillemets, mais en fait, la définition que l'économiste a de la rationalité, elle peut s'accommoder d'une supposée irrationalité, donc l'estime de soi, des choses comme ça, dans le sens où, même si c'est pas monétaire, c'est que les gens réagissent toujours à des incitations, donc ils sont non monétaires, et donc la définition de la rationalité de l'économiste est... Oui. Excuse-moi, fini. Non, vas-y. Oui, je pense à ça quand tu expliques la rationalité. On va s'éloigner un tout petit peu, mais gentiment. Tu dis les gens vont vers ce qui est meilleur pour eux, mais est-ce que il y a des modèles qui intègrent le fait que les gens comprennent pas toujours ce qui est le meilleur pour eux? Exactement, c'est ce que j'allais te dire. Tout à fait, tout à fait. On a des cas. Le jargon, c'est ce qu'on appelle par exemple l'incohérence intertemporelle, c'est-à-dire que je prends, enfin, comment dire. C'est un peu comme si l'individu, et je crois d'ailleurs que c'est ce qu'on fait dans les modèles, en fait, on va modéliser l'individu comme s'il avait à l'intérieur de lui deux individus. Il y a l'individu du présent qui veut une certaine chose, et l'individu du futur qui veut une autre chose, sauf que c'est l'individu du présent qui décide, et en fait, la décision que l'individu du présent va prendre, elle peut aller à l'encontre de ce que veut l'individu du futur. Donc, par exemple, c'est quand je fume, enfin, pour le cas des fumeurs. À court terme, c'est intéressant de fumer parce qu'il y a le plaisir de la cigarette, etc. Mais à long terme, les problèmes de santé. Et donc, il y a une espèce de conflit entre les deux versions de l'individu. Donc là, c'est un cas où l'individu lui-même, il n'est pas clair sur ce qui est bon pour lui, en fait. Et il y a des modèles qui existent là-dessus depuis, je pense, pareil, 10-15 ans. D'accord. Et juste l'autre question que je voulais poser, ça, c'est peut-être complètement à côté de la plaque, mais je ne sais pas, ça m'y fait forcément complètement penser. Il y a des, des discussions là-dessus depuis un moment, et il y a des expérimentations au collège et en primaire, maintenant ça se passe comme ça, de l'école, ça me fait irrésistiblement penser au principe de la note, avec ou sans note. C'est-à-dire que le fait de dire est-ce que c'est bien ou pas comme système pour les élèves, pour les profs et les élèves, de noter. Et il y a des classes expérimentales où au collège, il n'y a aucune note. Je sais qu'en primaire, en principe, il n'y a plus de notes, tout ça. Ça me fait irrésistiblement penser à cette chose-là, c'est-à-dire effectivement réduire à une note ou réduire à une somme de fric ou prendre en compte le reste, quoi. Ouais, inciter effectivement à avoir une bonne note. C'est un des problèmes aussi de l'enseignement des maths, qui est, comme c'est une discipline de sélection et que ça fonctionne par la note, finalement, on enseigne des choses qui peuvent être notées. Et ça me fait complètement penser à tous ces trucs que tu as racontés sur l'économie, de ce qui peut être monétisé, ce qui... Mais en fait, je pense que c'est exactement. Enfin, je pense que dans le cas des notes, en fait, la note a le même rôle qu'une incitation monétaire, en fait, parce que c'est quantifiable et ça a un aspect de gratification. Je suis tout à fait d'accord avec ta remarque. Mais d'ailleurs, je crois que dans ces petites classes, dans ces classes où on a enlevé les notes, il y a une sorte d'auto-évaluation qui sont faites par les propres élèves. Donc justement, ça revient un peu sur l'idée de les mettre en comparaison avec les autres, peut-être, et de les aider à s'améliorer s'ils sont un peu en retard, pour ne pas avoir honte ou pas avoir un sentiment de culpabilité, comme dans le cas de la crèche israélienne. Oui, puis il y a ce côté aussi de choses qui ne sont pas forcément nécessairement comparables, quoi. Enfin, je veux dire, c'est bien pratique quand on veut faire une science et quand on veut noter de la même façon, d'avoir une note ou une somme pour dire justement on peut comparer des choses, mais ça n'a pas de sens au niveau de l'individu pour bien, bien des fois. C'est-à-dire qu'il y a le fait d'être content d'avoir compris un truc, est-ce que c'est comparable au fait d'avoir une bonne note, quoi. En fait, je pense que l'exemple que tu as pris des maths est vraiment, c'est l'exemple, à mon avis, parfait de la dérive, entre guillemets, du système de notation qui sert vraiment comme un outil d'incitation. Enfin, le but, c'est vraiment d'avoir le plus de notes, enfin, la note la plus élevée possible, donc un peu comme l'argent au final. Ben c'est ça, ouais, ça donne l'impression que, a priori, avec l'argent, tu vas avoir le même genre de choses. Si tu décris le monde d'une façon purement avec du fric et que tu fais des systèmes qui fonctionnent que comme ça, ça va aussi changer le monde dans cette direction-là, quoi. Disons que ça va. Enfin, en fait, ça dépend. Après, voilà, le problème un peu de ça, c'est que ça dépendra vraiment, je pense, des situations. Parce que si c'est. Par exemple, si l'incitation, elle concerne des entreprises, si l'incitation monétaire, pardon, elle concerne des entreprises, je pense qu'il y aura. Je pense que le côté estime de soi, psychosociologique, etc., il sera beaucoup moins prégnant parce que, en fait, les entreprises, elles ont des routines de décision qui ont tendance un peu à expurger ces dimensions, émotionnelles, etc. Donc, l'aspect, à mon avis, monétaire sera plus efficace si, par exemple, tu mets un marché du carbone qui concernera uniquement les producteurs d'électricité, par exemple, que si tu mets un marché du carbone qui va concerner monsieur tout le monde. Donc en fonction des agents économiques auxquels on va appliquer la régulation monétaire ou non monétaire, je pense qu'elles seront aussi plus ou moins efficaces selon le type d'agent auquel on va la mettre en place, en fait. Mais pour revenir sur l'histoire des notations, enfin de l'école en général, ce qui est intéressant, c'est de voir dans les pays nordiques la façon dont l'enseignement se fait, où il est beaucoup plus, on insiste beaucoup plus sur la collaboration donc entre les différents élèves. Et alors, je ne me souviens plus dans quel pays c'est, mais c'est peut-être au Danemark. Il n'y a pas de note. En fait, si l'élève a une note en dessous de 7, on ne lui donne pas sa note. On lui dit, voilà, tu as eu moins de 7, mais on ne lui dit pas si c'est 6,5 ou si c'est 0, en fait. Et on lui dit, voilà, tu as une note en dessous de 7, il faut que tu participes à des groupes de soutien, etc., pour, à l'issue, dans quelques temps, avoir une meilleure note. Et on trouve, enfin, il y a un bouquin assez récent qui parle de toutes ces comparaisons entre les systèmes éducatifs nordiques et le système éducatif français. Donc le bouquin s'appelle La société de défiance, je crois. Il montre que les élèves dans les pays nordiques en général sont beaucoup mieux formés, apprennent mieux en fait que les élèves dans le système français, où on met plus l'accent dans le système nordique sur les dimensions non monétaires des incitations, si on considère la note comme une incitation monétaire, en fait. C'est ça. Il y a des groupes de recherche sur les deux qui mélangent des économistes et des gens qui réfléchissent à l'éducation. Je sais qu'il y a une branche d'économie qui s'appelle l'économie de l'éducation, donc je pense que ça doit se trouver, ouais. Après, moi, je suis pas. Cela dit, je crois que mon directeur de thèse a bossé sur des thématiques. En économie de l'éducation, donc il y a peut-être des choses à voir de ce côté-là. En ce qui concerne les incitations non monétaires, finalement, des fois, ça peut toucher à l'émotionnel des personnes ou des gens. Donc, je sais pas, vous travaillez avec des psychologues ou des gens qui connaissent un peu ce dont ont envie les gens de faire sans rémunération, parce que peut-être pour un économiste, c'est pas forcément accessible, je sais pas. En fait, à la base, donc les économistes étaient vraiment pas du tout, avaient vraiment aucune intuition sur toutes ces côtés sociologiques, psychologiques, etc. Et en fait, il y a, en gros, au début des années 80, il y a des psychologues qui ont commencé un peu à se saisir des problématiques économiques, notamment Daniel Kahneman, et donc il y a eu le prix Nobel en 2002. Et un autre qui s'appelle, je me souviens plus de son, Vernon Smith, je crois, mais j'en suis plus sûr non plus. Enfin, il l'a eu en même temps que lui. Donc, eux, c'est vraiment des psychologues. Et c'est un peu par eux qu'est arrivé dans l'économie, justement, toutes les considérations psychologiques, en fait. Aujourd'hui, donc l'économie expérimentale, qui est un peu leur legs à la science économique, enfin, ce qu'ils ont apporté, est vraiment pas très loin de la frontière avec la psychologie. Donc les expérimentalistes en économie en général ont quand même de bonnes intuitions sur des mécanismes de nature psychologique. Enfin voilà, moi j'ai des collègues qui travaillent en éco-expé, même moi je vais m'y mettre bientôt. Et bon, en tout cas pour ces collègues, eux ils sont vraiment, ils ont vraiment de bonnes intuitions sur l'aspect psychologique de la prise de décision. Même si c'est pas des psychologues, bon je pense qu'ils ont les bases, on va dire, là-dessus quoi. Alors il y a un commentaire d'Yves qui dit « Les incitations monétaires devraient tendre vers la rationalité, mais c'est le contraire en fait, ceux qui ont les moyens s'en fichent. » Oui, que ça correspond à ce que tu racontais un peu sur le marché d'échange de pollution carbone, mais où tu disais c'était… Enfin, non, c'est pas exactement ce que tu disais. Je suis d'accord avec le commentaire là, dans le sens où il y a un effet assez… En économie, qui dit qu'en gros, c'est même assez intuitif, mais plus t'as un revenu élevé, plus t'es riche, moins tu vas être sensible en fait aux incitations, enfin pas forcément aux incitations monétaires, mais moins ce sera difficile pour toi de supporter un coût lié à ta consommation, etc. Bon, après, il faut quand même aussi voir que les personnes qui sont dans ce cas où les incitations monétaires, peuvent être inefficaces simplement du fait de leur richesse, enfin, elles sont quand même assez peu nombreuses en termes quantitatifs. Donc, même si c'est effectivement un effet qui existe, je pense qu'il existe seulement sur une sous-population qui est, à mon avis, assez, assez faible en termes d'effectifs. Je suis juste toujours dubitatif sur le... Mais ça, je pense que c'est une déformation de Matteux sur l'ensemble des autres activités... scientifique ou à côté des sciences. Bon, je ne me prononce pas sur le fait que l'économie c'est une science ou pas, mais je te rassure, Olivier, il est très sceptique sur la physique aussi. Donc moi je suis hyper perplexe sur l'approche de l'économie et je le reste avec ce que tu as décrit. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de naïveté intrinsèque de on essaie de mettre des modèles simples pour pouvoir faire des calculs sans se rendre compte que ces modèles sont tellement simplistes qu'ils modélisent pas grand chose, tu vois, quand tu dis justement, on a mis 30 ans à accepter qu'il y avait d'autres d'autres interactions ou des choses comme ça, c'est assez délirant. Il y avait quelqu'un dans la chatroom qui disait toutes ces théories se basent sur un individu sans bien vraiment définir ce que c'est. On a parlé de la rationalité qui est un peu la base aussi de plein de fonctionnements des théories et qui est pas aussi simple que ça, etc. Enfin, ça laisse perplexe, quoi, je trouve. Disons, pour répondre, enfin, c'est un peu, je pense que c'est une critique, c'est un peu transversal. Hein. Ouais, voilà, bon, c'est ça. Pour parler, hein, c'est pas. Mais en fait, la défense que les économistes ont par rapport à ce type de critique, alors, enfin, il y en a plusieurs, mais d'abord sur le fait qu'on a mis 30 ans, par exemple, à modéliser les incitations non monétaires. Bon, il faut pas oublier aussi tout ce qu'on a modélisé entre temps et qui reste vrai. Voilà, enfin, je veux dire, pendant 30 ans, on s'est un peu excité sur les incitations monétaires en oubliant le reste. Enfin, je veux dire, voilà, là, j'ai juste pris l'exemple des incitations monétaires, mais évidemment, l'économie, ça concerne, enfin, on étudie énormément de choses et il y a eu des résultats probants. Enfin, voilà, il y en a, enfin, la littérature, je pense, le prouve que le fait, enfin, que pendant 30 ans, on a quand même eu des résultats extrêmement importants qui ont eu des implications en termes concrets sur vraiment la vie des gens, etc. Enfin, sur les incitations, sur la théorie des incitations dont je parlais tout à l'heure en disant que c'était un peu de la théorie des jeux, par exemple, toute la dérégulation des marchés des télécommunications dans les années 90, ça vient de là, par exemple. Et on n'a pas eu besoin de supposer des incitations, le fait que les agences soient pas rationnelles, etc. Les modèles qu'on avait, en fait, qui sont des simplifications de la réalité. Enfin, je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'un modèle, c'est pas la réalité, c'est une version stylisée. C'est quand même des modèles qui sont robustes, qui sont robustes aux tests empiriques, en fait. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui, à mon avis, quand même bat un peu en brèche le fait que, soi-disant, l'économie serait un peu dans sa tour d'ivoire. Le fait est que non, en fait. On a plein d'exemples, enfin, comme dit, il y en aurait des milliers, des dizaines de milliers, où les modèles qu'on a supposés ont une appli. Enfin, leurs prédictions ont été vérifiées dans la réalité, en fait. Donc, même si les modèles peuvent paraître un peu tirés par les cheveux, au final, ils ne le sont pas tant que ça, en fait. L'économie, elle a un petit côté un peu contre-intuitif dans le sens là, où elle défie, en fait, l'intuition qu'on peut avoir sur le comportement humain. Mais dans le même temps, il s'avère que la modélisation, comme dit des économistes, elle est relativement validée par les faits. Ce qui ne veut pas dire qu'elle est parfaite ou quoi que ce soit, ou que les psychologues, les sociologues, etc. n'ont pas des choses intéressantes à dire. Pas du tout, hein, mais je pense qu'historiquement, depuis une cinquantaine d'années, voilà. Il y a une remarque intéressante dans la chatroom à ce que tu dis. Alors, je vais la lire, hein, et puis on pourra en discuter. Au lieu de revendiquer son statut de science sociale, le courant dominant de l'économie se veut science au même titre que les sciences naturelles. Je trouve que la remarque est intéressante parce que justement, tu dis, c'est vérifié par les faits. C'est vérifié par les faits à une certaine époque, sous une certaine culture, dans un certain cadre. Par certaines personnes et pas par tout le monde, parce que c'est rare que tous les économistes soient d'accord. Alors, ouais, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est une science qui est terriblement comme toute science sociale, qui dépend de tellement de choses que, oui, il y a des choses qui se vérifient, on arrive à nager dans l'inconnu. Bah, en fait, je pense que c'est justement un peu la grosse méprise qu'il y a sur l'économie, en fait. C'est que justement, on est capable de s'extraire de ce genre de contingences, en fait, avec les outils qu'on a réussi à développer. Je prenais l'exemple du fait que dans les pays riches, le nombre d'enfants est plus faible que dans les pays pauvres. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des éléments culturels, etc., qui peuvent jouer, mais ça, c'est vrai pour toutes les cultures, en fait, et pour toutes les époques. Qu'est-ce qui est vrai pour toutes les cultures et toutes les époques ? Le fait que d'être dans un pays ou dans une région riche va faire qu'on aura moins d'enfants que d'être dans un pays ou dans une région pauvre. C'est pas vrai à l'époque où l'argent n'existait pas, quoi. Oui, bon, enfin ça, on remonte à des époques. C'est vrai. Est-ce que c'est vrai jusqu'à un certain niveau de richesse, ou est-ce que après si l'argent, même si, enfin, désolé, je te coupe un peu, mais même si l'argent n'existait pas, la richesse, elle est pas forcément. Enfin, on peut la Oui, c'est vrai. On peut imaginer qu'une population d'hommes préhistoriques dans lesquels qui avait plus accès à la nourriture, c'est une population qu'on peut considérer comme étant plus riche qu'une population où il n'y avait pas un aussi bon accès à la nourriture. Donc c'est vrai. Enfin, il n'y a pas besoin de supposer qu'on ait la monnaie pour que ce soit vrai, en fait, ouais. Pour que le terme de richesse s'applique, en fait. Mais pourquoi pas qu'il y ait corrélation ? Après, moi, ce qui me dérange, c'est quand on dit qu'on a l'explication. Alors non, je dis pas qu'on a l'explication. Après, bon, c'est pas forcément un thème que je maîtrise bien, donc je vais peut-être dire des bêtises, etc. Enfin, sur ça, c'est juste, voilà, c'était plus pour l'anecdote, en fait, que vraiment. Prendre un peu la défense d'Olivier, mais Robin, t'as entendu quand quelqu'un, un économiste, dire qu'il avait l'explication ? Moi, j'ai pas souvent entendu dire ça de la part d'un économiste. Hein. Je vais être méchant, j'ai entendu Olivier le dire au tout début de son dossier. Ah ouais ? Bah oui, justement, je l'ai arrêté assez vite sur ce thème-là, justement. Mais je pense que, bien sûr, t'entends des économistes parler, ils sont quand même beaucoup, je trouve, péremptoires. Et beaucoup à dire si ça s'est passé, c'est pour telle et telle raison, etc., de façon très affirmative et à s'engueuler entre eux parce que justement ils sont jamais d'accord. Très a posteriori aussi, mais. Et très a posteriori. Et à chaque fois, t'en as un qui a prévu ce qu'allait se passer parce qu'il faut dire qu'il prévoit tellement que tout va se passer à eux tous ensemble qu'il y en a bien un qui a raison. Je dis pas que c'est du n'importe quoi, attention, hein, je suis pas anti-économie, économiste, etc. Je dis juste qu'effectivement, c'est. Ce qui me pose vraiment des questions, c'est son statut de science. Alors après, je sais pas, ça dépend ce qu'on appelle science, mais j'ai pas l'impression que ce soit. Enfin, on en est peut-être plus aux quatre éléments par rapport à la physique moderne, disons. Mais enfin, on est, je pense encore à peu près plus à ce stade-là au niveau de l'économie qu'à la théorie de la relativité. Quoi, on n'est pas encore dans un truc. J'ai pas l'impression que. Après, Du moment où on n'a pas intégré l'humain, déjà, c'est quand même compliqué, quoi. Il y a plusieurs choses, à mon avis, dans ce que tu dis. Bon, d'abord, le fait que l'économie, concrètement, ça fait à peu près 150 ans que c'est vraiment constitué comme science au sens sociologique, etc. Enfin, qu'il y a des labos de recherche, etc. Donc, ça reste quand même relativement. Enfin, c'est une science qui reste quand même relativement jeune. Après, sur ce que tu disais, le fait que les économistes se pinaillent un peu entre eux, qu'il y en a un qui dit blanc, l'autre qui dit noir, et puis voilà. Alors ça, en fait, c'était vrai dans les années 70 sur des thématiques macroéconomiques, mais aujourd'hui, il y a vraiment seulement, c'est vraiment plus le cas sur tout ce qui concerne en gros la macro, la microéconomie. Là, il y a vraiment un consensus scientifique sur le fait que les économistes, tout le monde est d'accord sur, enfin, ce que je viens de, le dossier que je viens de présenter. Je pense que n'importe lequel de mes collègues, indépendamment de ses sensibilités politiques, scientifiques, etc., aurait pu faire le même dossier. Enfin, je pense que je trahis la pensée de personne en fait en faisant ce dossier. Donc il y a quand même un consensus qu'il a. Et puis après il y a une autre chose aussi. C'est un économiste une fois qui a dit que les économistes sur les domaines sur lesquels ils étaient le plus d'accord étaient les domaines sur lesquels on les consultait le moins, et les domaines sur lesquels ils étaient le moins d'accord étaient les domaines sur lesquels on les consultait le plus. Et donc il y a quand même un tropisme médiatique en fait, ou même en général dans les discussions, à voir des économistes qui s'écharpent sur je ne sais quoi. En n'étant pas d'accord, mais ça c'est vraiment c'est la partie, enfin disons c'est la partie la plus sale de la profession entre guillemets, enfin c'est la partie la moins où il y a vraiment des combats etc. Mais dans le reste de la profession, et je pense que c'est le cas dans 90-95% de la profession, il n'y a pas vraiment de, il y a plus disons ce type de débat où on va remettre en question les hypothèses de base etc. Tout le monde est d'accord sur la définition de la rationalité, sur le fait que les agents réagissent aux incitations etc. etc. Je vais défendre aussi la scientificité de l'économie, mais autrement. Enfin, de toute façon, enfin, dans tous les domaines scientifiques, il y a des controverses. Les définitions de ce qui est ou ce qui n'est pas une science, généralement, tournent plutôt autour de méthodologie, autour de les objets sur lesquels portent ces domaines de connaissances, etc. Et de ce point de vue-là, on ne va pas débattre longuement sur ce que c'est une science. Il faudrait qu'on fasse vraiment un épisode de podcast science vraiment consacré à la question, un de ces quatre. Mais a priori, l'économie passe ces critères. Donc, pour moi, ça règle la question. On peut être une science et en même temps avoir une méthodologie scientifique, etc., et pas avoir de conclusion, c'est-à-dire pas savoir répondre aux questions Enfin, c'est de la recherche en cours, quoi. Il n'y a pas de nécessité. C'est ce qu'on a d'avoir, pu voir. Ce qu'on a pu voir sur l'évolution, typiquement, où il y a encore des questions ouvertes, des questions fermées. Enfin, c'est toute science qui avance. Juste quelques questions de la chatroom qui ont été gentiment rapportées par Alan, qui, même s'il n'est pas présent vocalement, est bien présent tout autour. Il y a David Loureiro qui dit il était étonné que tu dises qu'il y a des aspects prédictifs dans les modèles économiques. Il avait l'impression que c'est souvent de l'analyse a posteriori. En fait, les modèles, disons, ils ont un côté prédictif si on réfléchit toutes choses égales par ailleurs. Donc c'est un peu la petite, c'est la pirouette un peu de l'économiste, mais on sait que toute chose égale par ailleurs, enfin pour à nouveau revenir sur cette histoire d'enfants dans les pays riches et dans les pays pauvres, on sait que toute chose égale par ailleurs, si le pays est plus riche, on aura moins d'enfants que si le pays est plus pauvre. Donc on peut voir une prédiction dans le sens où, c'est pas une prédiction dans le sens où ça va se passer comme ça dans le futur, mais dans le sens où si les conditions sont réunies, alors on aura ce résultat-là en fait. Après sur l'aspect prédiction dans le futur, je pense qu'à un an, un an en avance pour ce qui est prédire la croissance, etc., au-delà d'un an, on n'est plus capable de rien, en fait. Il y a un commentaire de Barberousse qui m'inspire, qui dit « Mais peut-on parler d'économie ou d'organisation du chaos ?» Parce qu'il y a tellement de facteurs qui interviennent dans l'économie, ça devient… Je sais qu'il y a eu des tentatives à un moment donné de modéliser l'économie par le biais du chaos. C'est pas devenu standard, donc sans dire que c'est peut-être intéressant, je sais pas, mais en tout cas c'est pas entré dans le paradigme standard. Je connais pas forcément le chaos en particulier, mais le type de réflexion que fait Barberousse, à titre personnel, je pense que c'est des réflexions qui sont dignes d'intérêt du point de vue de l'économiste en fait. Comme dit, l'économie, ça a une science à peu près 100-150 ans aujourd'hui. Ça fait à peu près une centaine d'années que le paradigme, enfin que les méthodes ont été définies et sur lesquelles on est à peu près d'accord, même s'il aura fallu du temps pour convaincre tout le monde. Mais je pense qu'il y a encore des choses, enfin je pense qu'il y a encore des révolutions scientifiques à faire en économie, et peut-être que le chaos en sera une. C'est une possibilité. Oui. Et puis si on dit que l'économie est une science, c'est une science jeune en tout cas. Oui, ça, je pense qu'il ne faut pas non plus l'oublier quand on entend des économistes ou autres. C'est tout à fait vrai. Autre chose ? Une dernière remarque de Yves, ouais. On modélise le marché avec des équations qui décident maintenant sur les bourses, mettant en œuvre une rétroaction qui correspond presque à une auto-vérification. On avait déjà vaguement parlé dans Podcast Science, mais ça c'est hyper intéressant, c'est le côté science sociale, c'est que des théories économiques qui fonctionnent, on va tout de suite les appliquer et elles vont avoir des influences sur la théorie économique en pratique. Alors ça j'imagine que tout ça à fait. Vous occupe un peu Alors ça nous occupe pas tant que ça, parce qu'en fait en général, quand les c'est ce que je disais tout à l'heure avec le fait que quand on est d'accord, personne nous écoute, et quand on n'est pas d'accord, tout le monde nous écoute. Donc ce qui fait qu'en fait en général, quand on a des consensus en disant ça c'est clair, c'est vraiment la chose à faire, donc typiquement mettre des marchés au droit à polluer pour résoudre le problème de la pollution, personne ne le fait. Donc on n'a pas vraiment été confronté historiquement à des cas où la mise en application des principes, des théories ou des résultats ou des préconisations a eu un effet au final sur l'économie réelle en fait. Après c'est différent dans le cas de la finance, mais là la finance, alors il y a des débats aussi. Alors déjà c'est une branche quand même assez particulière de l'économie. Enfin, moi, je serais pas capable vraiment de discuter de finance parce que c'est, comme dit, assez particulier en économie. Donc, sur le fait que ils utilisent des modèles économiques, etc., pour prédire la valeur des titres sur les marchés financiers. Là, en fait, moi, ce qui me gêne un peu, si tu veux, en tant qu'économiste, c'est que, en général, les gens qui font ça sont pas des économistes de formation. C'est plutôt des gens qui ont des formations. D'ingénieurs ou de mathématiciens. Voilà, et en fait, il y a des exemples qui sont édifiants où on leur dit voilà, ça fonctionne comme ça, point. En fait, nous, quand on apprend à nos étudiants des modèles, etc., ok, on leur apprend la partie mathématique parce que bon, il faut qu'ils soient capables de dériver le modèle, etc., mais on leur explique surtout que le plus important, c'est l'interprétation. Et ce côté interprétation, on le met un peu de côté dans la formation des gens qui utilisent ce type, enfin, qui font ce genre de choses. Et peut-être qu'en fait, leur utilisation des modèles est peut-être, en termes d'éthique, là c'est peut-être plus en termes d'éthique professionnelle ou d'éthique scientifique, bon, il y a peut-être des choses qui sont un peu à revoir de ce côté-là, en fait. Mais c'est vraiment que dans le cas de la finance, enfin, c'est vraiment qu'une partie assez limitée, au final, de l'économie en tant que science, en tant que, voilà, toutes les branches qui existent, etc., la finance, c'est qu'une partie limitée, en fait, de l'économie. Une dernière remarque, sans doute. Ouais, sans ça fait doute, deux fois, hein, ça leur fait avancer. Ouais, bah, c'est une autre parce que c'est amusant. Ça parle de communication scientifique, qui est un peu notre sujet, quoi. C'est-à-dire que, bon, vous faites une théorie économique qui fonctionne parfaitement pour, soyons fous, nous sommes en France, il y a un problème de chômage, réussir à réduire le chômage, relancer la croissance, etc., quoi. Donc, surtout relancer la croissance qui traite beaucoup plus d'économie. Si elle est aussi compliquée que la relativité générale, elle ne sera jamais politiquement appliquée parce que vous n'arriverez pas à la faire comprendre d'une part aux politiciens, d'autre part au peuple. Alors, est-ce que ça rentre en compte dans vos modèles de dire on ne doit pas faire des modèles trop compliqués parce que sinon ils ne seront pas applicables ? En fait, c'est une réflexion que je me suis... Enfin, c'est une bonne réflexion, j'y avais jamais pensé, mais maintenant que tu en parles, au final, ça peut entrer en considération. Je reprends mon exemple, mais le modèle donc sur lequel je bosse en ce moment, on a fait délibérément le choix d'avoir un modèle assez simple. Alors nous, on n'a pas forcément la volonté de dire il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, mais on pourrait imaginer que nous, on est plus dans une optique, on va dire management. Enfin, ça intéresserait plus des entreprises qu'un gouvernement ou un pays en général. Mais c'est vrai que le fait d'avoir un modèle simple, ça permet de mieux le vulgariser et effectivement de mieux pouvoir l'appliquer ensuite, donc soit par les politiques et les citoyens ou dans les entreprises auprès des managers. Ça, c'est clair que c'est quelque chose qui, au moins implicitement, enfin, je pense qu'à un moment donné, en tout cas, moi, ma sensibilité me fait me poser cette question et je sais qu'il y a des collègues qui se la posent aussi. D'accord. Après, juste une petite parenthèse quand même, parce que bon, enfin, moi, je pourrais te parler d'économie pendant des heures, donc peut-être qu'à un moment donné, il faudra que vous m'arrêtiez, mais sur la diminuer le chômage en France, on sait comment faire. Hein. C'est juste que la réforme n'est pas du tout applicable en l'état, mais on est exactement dans la même situation qu'avec la pollution et les marchés de droits à polluer. On sait d'où, on sait pourquoi la France a un taux de chômage aussi élevé, indépendamment du fait qu'on soit en crise, et on sait ce qu'il faut faire. Hein. Le secret ne nous fait pas. Ça, par exemple, je ne peux pas y croire, en fait. En fait, ce qui se passe en France, enfin, même en général, sur les marchés du travail, en fait, on a donc d'un côté l'offre, qui est donc les entreprises, qui cherchent. Enfin, non, l'offre, c'est plutôt les salariés. L'offre de travail, c'est les salariés. Et on a la demande, donc, de travail, ce sont les entreprises. En fait, on a un problème d'information dans le sens où les entreprises ne savent pas forcément où sont les chômeurs, par exemple, ou les personnes qui correspondent le mieux au poste pour lesquels elles cherchent à recruter. Et inversement, du point de vue des travailleurs ou des chômeurs, eux ne savent pas forcément quelles sont les entreprises qui correspondent le mieux à ce qu'ils recherchent en termes de compétences, en termes de culture d'entreprise. Enfin voilà, on peut tout considérer. Donc il y a un problème d'information et en fait ça génère ce qu'on appelle des frictions. Et en fait ces frictions sont responsables, je vais peut-être dire une bêtise, mais je crois pour la moitié des écarts de salaire sont dus aux frictions. C'est-à-dire qu'à la base on voit un salaire, on dit si un tel gagne plus qu'un tel, c'est parce qu'il est plus productif. En fait non, c'est parce qu'il y a des frictions qui viennent compliquer le truc. Et en fait dans le cas de la France et dans des pays en général, plus le marché du travail est frictionnel, donc en gros moins bien il fonctionne, plus on aura un taux de chômage qui sera élevé en fait. Et en France le problème c'est que le marché du travail fonctionne de manière catastrophique et c'est probablement pour cette raison là enfin moi j'en suis sûr à titre personnel, mais voilà qu'on a... Alors, répète ce que tu appelles des frictions en fait. Ce que tu appelles des frictions, c'est des problèmes de communication entre l'entreprise qui cherche à recruter un certain type de salariés et des salariés qui cherchent à trouver une entreprise qui va être intéressée par leurs compétences, c'est ça? Tout à fait. En fait, la friction, ça, on peut la voir de deux façons différentes. Donc, du côté, on peut la voir dans le sens où l'entreprise et le salarié, ils vont, à un moment donné, ils vont s'apparier, ils vont se mettre d'accord, ils vont signer un contrat de travail, mais il se peut que le contrat de travail, en fait, ne satisfasse ni l'une ni l'autre. Donc, il va y avoir une rupture du contrat, il va falloir rechercher à nouveau, et pour l'entreprise et pour le salarié, donc une nouvelle entreprise ou un nouveau salarié. Donc, c'est une première illustration de l'effet que les frictions peuvent avoir sur le marché du travail. Un deuxième, c'est de dire, comme l'information est difficilement accessible, il faut du temps et ça coûte cher pour chercher l'information. Donc une embauche qui pourrait avoir lieu aujourd'hui, parce que l'entreprise en a besoin maintenant de quelqu'un, il faudra peut-être 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mois pour trouver la personne qui correspond vraiment. Et donc dans ce temps-là, ça fait qu'il y aura un chômeur en contrepartie, sur le marché du travail en fait. Et par exemple le Danemark, qui est souvent vanté en France, la flexi-sécurité, etc. En fait, eux, ils ont réussi à avoir un marché du travail qui est très très peu frictionnel et ils ont un taux de chômage de 4-5%. Quoi. Je vais me permettre une réflexion qui me vient à l'esprit là tout de suite avec l'exemple qui est peut-être stupide. Généralement, sans être économiste et instinctivement, j'ai aussi tendance à défendre les modèles nordiques, mais est-ce que l'élément qui serait pas sous-estimé là-dedans, c'est l'aspect géographique aussi, c'est-à-dire que on a idéalement le moyen d'appareiller l'offre d'emploi à les employés, les employeurs, faire des paires idéales, mais ça doit être beaucoup plus simple au Danemark qui est tout petit qu'en France où un mec à Marseille, il va pas forcément être d'accord pour aller travailler à Lille parce que l'entreprise qui a besoin de ses compétences est à Lille. Ouais, les ch'tis te prouvent le contraire. Soit. Ouais. Le film. En fait, ça c'est un problème. Dans le pays, en fait, il y a une. Ça va dépendre de la mobilité des travailleurs à l'intérieur du pays. Par exemple, les États-Unis ont un indice de friction qui est assez faible, alors que c'est quand même un gros pays qui est plus proche, par exemple, de celui du Danemark ou des pays nordiques que celui de la France. Parce que ces frictions, on peut calculer des indices et tout. Après, l'aspect géographique, il va plus jouer sur l'aspect implémentation et transformation en fait de la. Comment est-ce qu'on aboutit à un marché du travail qui est pas frictionnel? Donc en gros, comment est-ce qu'on fait une réforme qui va diminuer le chômage? Parce qu'il y a 20 ans, 25 ans en arrière, le Danemark était à peu près dans la même situation que la France. Et en fait, ils ont tous réussi à se mettre d'accord sur une réforme du marché du travail donc qui a vraiment permis de résoudre le problème. Le truc, c'est que les pays nordiques, ils ont un avantage sur les pays d'Europe continentaux, en tout cas sur les gros pays, c'est que plus le pays est petit, et en général, plus la population est homogène, donc culturellement, on va dire ethniquement, et donc c'est plus facile d'avoir un consensus politique. Et dans les gros pays comme la France ou les États-Unis, on a des populations qui peuvent être très différentes les unes des autres, et politiquement, obtenir un consensus, ça peut être très difficile. À mon avis, sans vouloir faire d'analyse politique à deux balles, mais je pense que la difficulté d'être président de la République en France, je pense qu'elle est liée, indépendamment des compétences de chacun, mais je pense qu'elle est aussi liée aux États-Unis, elle est aussi liée au fait que c'est des pays qui ont vraiment une diversité culturelle importante, et c'est difficile de mettre tout le monde d'accord sur les bonnes politiques, ou même si on a une bonne politique sur laquelle tout le monde est d'accord, il faut pouvoir l'expliquer à tout le monde, de faire un peu de la vulgarisation. C'est ce qu'on disait sur le fait qu'un modèle simple sera plus facilement vulgarisé. Là, c'est un peu la même chose. Si tu as différentes populations qui ne vont pas réagir ou même la même narration, on va dire, pour la réforme, ça va être difficile de convaincre tout le monde simplement D'autant plus que voilà, les médias, en général, je sais pas, une réforme gouvernementale, peut-être ils vont peut-être avoir 2 minutes pour la faire passer, quoi, donc dans OJT de TF1 ou de France 2. Enfin, donc voilà, je pense que c'est l'élément géographique qui va plus jouer sur cette dimension d'application des réformes que peut-être sur le fonctionnement du marché du travail en tant que tel. Mais donc, selon toi, tu dis que le problème du marché du chômage qui est en France, ce serait dû à des sortes de freins frictionnels qu'il y a sur le marché du travail, mais tout le côté ralentissement économique, ça n'influe pas sur le chômage, selon toi ? Alors, si, bien sûr, ça a clairement une influence sur le chômage. Donc, c'est pas aussi simple de résoudre le problème du chômage comme ça, du moment qu'on a un ralentissement économique, même si on enlève des frictions, il y a... Voilà, non ? En fait, si tu veux, il y a deux... Le chômage, on peut le décomposer dans deux parties. Donc, il y a ce qu'on appelle le chômage structurel et le chômage conjoncturel. Donc, le chômage structurel, c'est un chômage qui est persistant, quelle que soit la situation économique. Donc là, qui va être lié aux différentes... par exemple, au fait que le marché du travail soit frictionnel ou pas. Ça, c'est D'accord. la structure de l'économie. Ouais, ouais, ouais. Donc, ça, c'est invariant, on va dire. Par contre, effectivement, il y a aussi un chômage conjoncturel, mais là, on le traite pas de la même façon que le chômage structurel, en fait. D'accord. Ouais, ouais. Et donc, par exemple, en ce moment, c'est marrant d'ailleurs parce que je lisais un article tout à l'heure sur cette question de Paul Krugman sur son blog. Je pourrais d'ailleurs le mettre en lien dans le dossier après, mais il semblerait que la récession, ou en tout cas les difficultés économiques dans lesquelles on soit plongé aujourd'hui en Europe et en particulier en France, elles soient liées au fait qu'on ait fait des politiques d'austérité dès 2008. Donc si on avait appliqué, parce que là en fait les économistes sont tous d'accord pour dire que les politiques d'austérité qui ont été appliquées en Europe depuis donc la crise en 2008-2009, c'était l'inverse de ce qu'il fallait faire. L'austérité c'est coûteux et tu fais pas de l'austérité quand t'es déjà en crise en fait, parce que quand t'es en crise t'as moins de moyens, donc enfin c'est un peu stupide. C'est comme si, je sais pas moi, t'avais un malade, quelqu'un qui avait un problème respiratoire et on lui envoyait on essaye de le préparer pour courir un 100 mètres au JO, enfin ça paraît un peu stupide. C'est un peu ce qui s'est passé en fait. Et là on est à nouveau dans le cas où tous les économistes sont d'accord pour dire qu'il faut il fallait relancer la croissance, ou en tout cas, il fallait pas faire de politique d'austérité, mais c'est tout ce que les gouvernements ont fait. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on est en train de payer au niveau du chômage, c'est clairement les politiques d'austérité que aussi bien la gauche que la droite ont mis en place. Hein. Donc ça, c'est le chômage conjoncturel, on le traiterait en faisant des politiques, en tout cas, en ne faisant pas de politique d'austérité. Ça, c'est à peu près clair. Ok, bon, je crois qu'on va devoir te faire revenir pour que tu nous expliques. Comment la France devrait être gouvernée économiquement. Il y a plein de trucs intéressants où il faudrait qu'on débatte. Là, on en est à 1h30 d'émission. Donc mais il faudrait, peux me permettre, il faudrait un autre économiste en face, histoire qu'il y ait que tout le monde soit pas d'accord. Parce que vraiment, quand j'entends c'est ce qu'il faut faire, on pourrait aussi faire un débat. On fera un débat. On passe à la suite. On passe à la fin. Et donc, si je ne m'abuse, on va passer au pitch de la semaine prochaine. Par exemple. Et normalement, on devrait avoir notre ingénieur son, monsieur Alan Van Lanten, qui va nous lancer le son du pitch. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Irène Revenko, je suis biologiste de formation et je voudrais partager avec vous ma curiosité pour les technologies. Ainsi, jeudi prochain, le 23, rejoignez toute l'équipe sur les ondes pour dérouler ensemble la fascinante histoire des techniques de microscopie. Nous verrons ensemble les débuts de l'optique, quand probablement le seul but était de voir et que les hommes ont commencé à utiliser ce que nous appelons maintenant les lentilles de correction, avec une transition très naturelle vers les sciences optiques et la mise au point des microscopes, le tout accompagné évidemment par une avalanche de découvertes, notamment en biologie. Tout le monde connaît un peu le microscope optique, on en a tous probablement vu au moins à l'école, et le fait est que cette technique est encore très très largement utilisée. Mais plus récemment, d'autres techniques sont venues la compléter, notamment pour repousser les limites de la résolution. Je veux parler évidemment des microscopies électroniques et encore plus récemment et encore plus résolutives, les microscopies à champ proche. Nous allons voir comment tout cela fonctionne et fait bon ménage dans les labos. Tout au long du récit, nous parlerons aussi d'un certain nombre des ingénieux cerveaux qui ont contribué à cette épopée et qu'il serait dommage de ne pas évoquer pour rendre l'histoire plus humaine, donc encore plus intéressante. À jeudi donc. Et voilà, donc ça c'est le pitch de la semaine prochaine. Pour terminer cette émission, il nous faudrait aussi une quote. Alors normalement, c'est la personne qui prépare l'émission qui prépare la quote. Donc, en plus, Mathieu, là, on a la personne qui est Mathieu, à l'origine de l'idée de la quote. À l'origine de l'idée de la quote. Attention, maître de la quote. J'allais donc pas venu sans quote. Non, j'allais pas vous rater aujourd'hui. Non, alors une petite quote qui est un peu liée à ce dont on appelle aujourd'hui l'économie. Finalement, on a dit aujourd'hui que ça a quand même pour objectif, j'imagine, d'améliorer la vie des gens ou la vie en société. Donc la quote, elle est en anglais. Vous allez essayer de la traduire. Elle n'est pas très difficile. C'est une quote de Jackson Brown, un auteur américain, qui dit « Success is getting what you want. Happiness is liking what you get. » Le succès, c'est avoir ce que vous voulez. Le bonheur, c'est aimer ce que vous avez. Ah, voilà. Quand on n'a pas ce que l'on aime, il faut aimer ce que l'on a. D'accord. Alors, Alan, dans le doute, avait quand même préparé une citation, hein, une quote pendant l'émission de son lit. Alors, c'est pas lui la quote, hein. C'est Olivier. Il cite Olivier qui marque Casanova. Dans une émission, ouais. Dans le podcast Science 158, je ne sais pas quand c'était ça. Écoute, le 16 janvier 2013, hein, j'ai les références exactes. Je crois que c'est 2014, en fait. Hein. Voilà, 2014, oui, 2014. Ah, mais il est dans son lit. Hein. Il est dans son et donc, lit, la citation meurt. De Olivier de toi, donc, c'est « Je suis économiste parfois ». Parfois en la science économique. Vous le lisez en deux mots ou en un mot, comme vous voulez. Oui, aussi, oui. Ça dépend de la quantité de bière. On passe au plug. Alors, les plugs, on a une annonce méga sérieuse de Karim Majer, aka The Ultimate Gibbon, du blog Sweep Random Science, dont on a déjà parlé plusieurs fois et dont on a fait des blogs audio. J'ai besoin de Lego pour mon prochain projet pharaonique de film en stop motion. J'achète ou récupère vos pièces. Si vous êtes dans la région parisienne et que vous avez des Lego en rab, surtout n'hésitez pas à lui faire signe, soit via son blog sweeprandomscience.blogspot.com, on mettra ça dans une autre démission, hein, ou alors passez par le podcast, on fait suivre. On ne sait pas exactement ce qu'il a en tête, mais Karim est un roi du stop motion. Vous pouvez voir des choses sur son site. Et on va mettre le lien dans la chatroom tout de suite et dans les notes de l'émission. Et donc, il en fera sans doute bon usage. Alors, dans les autres plugs, Alex Deba nous signale via Google+, un cycle de conférences en audio seulement de Serge Haroche sur l'histoire de la physique quantique. Si vous ne savez plus quoi écouter, on ne sait jamais, voilà une bonne source d'inspiration. C'est pour toi, Robin, celle-là. Alors sinon, au niveau des dons, merci pour les dons. On a eu deux personnes qui se sont abonnées, donc c'est Kramik et Pascal Metz. Donc merci beaucoup à eux. Super, et puis, merci. Continuez à venir sur notre page de dons. On va bientôt prendre contact avec les gens qui donnent dès qu'on sera un peu organisé. Et puis voilà, merci beaucoup. Un grand merci. Ne vous étonnez pas en faisant un don. On a un trésorier qui n'est pas un nonon qui gère notre comptabilité, que vous pouvez voir apparaître sur vos factures, il n'y a pas de problème. Tout va bien. C'est entre de bonnes mains. Enfin, c'est ça. Vous en faites pas. C'est quelqu'un qui connaît la théorie de l'économie. Un grand merci aussi à Julie qui a retranscrit et mis en ligne notre méga interview sur l'évolution avec Pierre Kerner et, alors je ne sais jamais comment prononcer, Xoshi Pili, un truc comme ça. Cette émission fleuve de 3 heures, il fallait quand même, vraiment, il fallait oser se lancer quand même pour le retranscrire. Hein, donc voilà, c'est en ligne. Sinon, merci à toutes les personnes qui nous ont signalé le billet de Corben permettant de faciliter les retranscriptions. Julie va regarder tout ça. Vous êtes plein à vous en avoir parlé, donc merci beaucoup. Ça va sans doute beaucoup nous servir. Quelque chose d'essentiel, on a enfin reçu, alors là, vraiment merci, notre premier message en signaux de fumée. Donc ça, on en parle au prochain freestyle. C'est quand même très, très beau. Voilà, et continuez à nous faire des envois de mails toujours plus étonnants. Je me permets... Des messages toujours plus étonnants. On va les rassembler, hein, promis. Oui. Je ne sais pas quand, mais on... Il faudra faire une page, oui. Il faudra faire quelque chose. Parce que là, il commence à y en avoir un sacré paquet. Vous êtes tous des grands dingues. Je me permets un plug improvisé, mais je me dis que c'est quand même bêta de ne pas en parler. Alors malheureusement, c'est réservé aux Parisiens. Mais samedi qui vient, il y a une conférence au Palais de la Découverte de Jean-Paul Delahaye. Alors les matheux connaissent tous a priori. c'est celui qui fait la rubrique de maths dans Pour la Science. C'est prévu pour être du grand public et ça sera sur le jeu de la vie. Donc c'est un sujet sympa qui est entre les maths, l'informatique et la biologie et plein de choses. Et je serai là, on fera des ateliers avant, après, c'est gratuit, tout ça. Enfin bon, donc venez nombreux, il y aura une autre conférence 15 jours après et une autre encore 15 jours après. On conclut ? Ou il y a quelque chose encore ? On conclut. Non, vas-y. Alors, comme d'habitude, que vous ayez aimé ou que vous n'ayez pas aimé, surtout, vous ne restez pas les bras croisés, vous nous inondez de courriers, de commentaires, de likes, de pas likes, si vous n'avez pas liké. C'est marrant les mots anglais. De tweets, de retweets, de clins d'œil, de ce que vous voulez. Vous pouvez faire tout ça sur podcastscience.fm, bien sûr, Facebook, Twitter, iTunes, SoundCloud, bref, sur tout l'Internet mondial. Vous pouvez aussi retrouver Olivier Simard Casanova, donc, qui a fait le dossier aujourd'hui, sur... OSC, donc mes initiales, Nomics, comme Economics, donc oscnomics.wordpress.com. Sinon, il y a aussi Twitter, donc @SimardCasanova, et peut-être le mail, je ne sais pas si... Je crois que c'est suffisant. Voilà, merci encore à tous nos poditeurs, poditrices chéries d'être fidèles au poste chaque semaine. Merci à Nico et Puyo, on n'a même pas annoncé en début d'émission, mais ils ont fait des dessins et des beaux dessins. On se retrouve le jeudi 23 janvier à 20h30, alors pas moi personnellement, d'ailleurs malheureusement, je ne pourrai pas être là, avec Irène, qui nous présentera dans son dossier la formidable histoire du microscope. D'ici là, bonne semaine à tous et à toutes, et que servir la science soit votre joie. Ciao. À bientôt, ciao. Salut. Salut. Ça va être l'occasion d'inviter Jean-Paul Delahaye dans Podcast Science. Mais bien sûr. Mais je mange avec lui samedi midi pour discuter, pour préparer la conférence. Je ne manque pas de l'inviter. Tu as pour demain 16h d'avoir réussi à avoir une invitation pour... Non, je le vois que samedi midi. Ça ah oui, mais samedi 16h alors. J'ai séché la chorale pour être là ce soir, les enfants. Je sais pas si vous vous rendez compte. La science, soit c'est que les maths, soit c'est très très large. Non, c'est très très large, sauf les maths, la science. Les maths, c'est pas de la science. Ouais, j'ai dit, c'est soit des maths, soit c'est que les maths, soit c'est très très large, j'ai dit. Non, c'est très très large, mais la plupart... Enfin, il n'y en a pas des définitions qui incluent que les... Enfin, c'est quoi ta définition de la science qui n'inclut que les maths? J'en ai pas, moi. C'est les maths. Ça inclut que les maths. Ok, d'autres questions? Si, si, tu fais des expériences en maths. Ouais, à travers les autres sciences, mais en soi, les maths... Non, tu passes ton temps à faire des expériences en maths. Bien sûr. Tu me chambres. T'avais une config spéciale, parce que ça a marché du tonnerre, là, la technique, ce soir. Non, rien de particulier, comme d'hab, mais je faisais qu'un truc à la fois, ça aide beaucoup. Heureusement que je fais le montage pour couper tout ça.